couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 21. Alors, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Et vous pouvez nous écrire à notre adresse email suivante, dempart@dnmx.org, je répète, dempart@dnmx.org. Donc DNMX est un système d'email classique, bien sûr, mais qui passe par Tor. Donc vous pouvez vous y inscrire si vous le souhaitez. Mais il reçoit bien évidemment les messages qui viennent des autres boîtes email. Hein. Pas nécessaire de s'inscrire sur DNMX pour envoyer, mais c'est vrai que c'est plus sûr. C'est totalement chiffré si vous décidez de vous y inscrire. Vous pouvez aussi participer à notre forum eelb.su, Écologie des Brins. Donc on sait qu'il y a des petits soucis d'inscription. En fait, c'est pas des soucis, c'est des filtres anti-spam. Donc on va régler ça au plus tôt et on vous répondra par email. Désolé pour le retard, ne nous en voulez pas, pardonnez-moi. Vous pouvez réagir aux émissions, vous pouvez commenter l'actualité, vous pouvez participer à la section informatique aussi, si vous avez des questions informatiques, anonymat par exemple. Idem la section crypto, il y a des gens assez pointus en crypto, etc. etc. N'hésitez pas à aller faire un tour, voilà, toujours intéressant. Le nouveau nom de domaine étant .shop, puisque l'ancien a été censuré. Donc .shop, comme un shop, comme un magasin, hein, donc point. shop.shop, tout simplement. Alors cette semaine, avant les vacances, nous sommes en équipe restreinte, mais c'est vrai qu'on a des petits empêchements chez certains membres qui ont des soucis de dernière minute. On devrait les accueillir bientôt dans l'émission, mais nous avons aussi un nouveau venu qui est présent et qu'on a plaisir d'accueillir. Bah, je vais commencer par lui, c'est Jean. Salut Jean. Salut Gandalf, salut à tous. Les gens vont découvrir ta présence, ce que tu as à dire. On va voir, hein, c'est au pied du mur qu'on découvre le maçon, comme on dit. En tout cas, bienvenue à toi dans l'émission. Est aussi avec nous cette semaine, comme chaque semaine, Vincent. J'espère qu'il va bien, qu'il a passé une bonne semaine, Vincent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, moi, je vais très bien. J'ai passé une très bonne semaine à faire mes vidéos, donc tout va bien. Et j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine, et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Alors, je tiens à spécifier, donc il y aura peut-être d'autres intervenants qui vont arriver en cours d'émission, il y a une petite incertitude qui règne là-dessus, je ne peux pas me garantir, mais cette semaine, je voulais remercier comme toutes les semaines nos donateurs, qui nous permettent de continuer ce que nous faisons. Alors vous le savez, vous pouvez nous soutenir puisque Démocratie Participative, le forum, bien sûr, tout ça fonctionne sur la seule base des lecteurs, c'est évident. Donc c'est uniquement grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer. Si vous souhaitez nous permettre de poursuivre, vous pouvez nous faire un don. exclusivement en crypto-monnaie et plus spécifiquement en recourant à Monero. Crypto-monnaie qui est une des rares crypto-monnaies qui porte véritablement son nom puisqu'elle est intégralement anonyme, chiffrée de bout en bout et qu'il est impossible de connaître l'identité de ceux qui envoient de l'argent par Monero ainsi que le montant envoyé. C'est un atout considérable en ces temps de censure et de surveillance. Donc vous connaissez ça très bien. Nous remercions tous nos donateurs qui, chaque mois après mois, année après année, nous soutiennent, bien évidemment, et qui ne nous envoient pas de courrier. Si vous nous faites des dons, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, même très court, pour que nous vous remercions à l'antenne. Mais ça, c'est si vous le souhaitez, mais c'est faisable, c'est la moindre des choses. Je tiens particulièrement à remercier Tortue, qui nous a fait un don, mais je crois que c'était un don d'essai, mais de 006 Monero, donc amical salut à Tortue. Avant d'entamer l'émission, je voulais faire un petit point avec Vincent, très bref mais nécessaire, sur son actualité. Alors bon, vous pouvez consulter le site de Vincent, blog-sc.com, donc blog B-O-L, pardonnez-moi, B-L-O-G-U-E, blog, comme ça se prononce, -sc.com. Donc ça, c'est le site de Vincent, il y a ses articles, comment dire, il y a ses vidéos aussi qui s'y trouvent. Son site showarnac.org, showarnac.org. Vous pouvez trouver le lien d'ailleurs à droite sur le site de Démocratie Participative. Très simple, très didactique pour ceux qui ne connaîtraient pas la question du révisionnisme. Très bien présenté, très didactique. Comme je le dis, comme je l'ai déjà expliqué par le passé dans l'émission, c'est probablement le meilleur moyen d'envoyer des gens de vos connaissances vers le révisionnisme sans avoir à essayer d'expliquer par vous-même et pas forcément de manière très efficace ce dont il retourne. Voilà, donc si jamais dans vos connaissances la discussion venait à tourner autour de ce sujet, n'hésitez pas à citer ce site internet, tout s'y trouve. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en particulier cette semaine, c'est plutôt le projet de vidéo dont Vincent va nous parler. Alors, en une minute, est-ce que tu peux présenter ce projet, Vincent ? Oui, alors qui est déjà parti, puisque les trois premiers épisodes sont déjà en ligne. C'est très simple, c'est le bilan de 30 années de travail pour réhabiliter le national-socialisme. Voilà, c'est ça mon projet, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet purement révisionniste, c'est un projet qui, en gros, remet à l'endroit l'histoire de l'Europe de 1918 à 1945. Alors, je ne fais pas un exposé comme un prof, en partant en 1918, non. Je pars d'autres sujets et après j'aborde toute cette question-là de façon à réhabiliter le national-socialisme, parce qu'encore une fois, je le dis, moi je suis un militant politique. C'est par accident que j'ai été obligé, je me suis retrouvé sur le front du révisionnisme parce que mes adversaires s'en servaient toujours. C'est ce que j'explique dans le premier épisode de cette série, c'est que moi quand j'avais 18 ans et que j'annonçais que je faisais mon coming out politique et que j'en parlais, on me dit toujours oui, mais ça on sait où ça a mené, et il était impossible d'avoir une discussion sur le nationalisme puisqu'on disait non, on sait où ça a mené au crime, bon basta, c'est fini, l'affaire est close. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai découvert que cet argument du on sait où ça a mené n'était fondé sur rien, j'ai dit mais c'est une chance incroyable, leur arme de destruction massive, leur arme idéologique de destruction massive est un pétard mouillé. Il faut en profiter, et donc je me suis lancé à corps perdu dans le révisionnisme. Mais encore une fois, moi, mon idéal, c'est de réhabiliter le national-socialisme pour des raisons politiques. Voilà, donc j'irai peut-être pas plus loin là. Pas sur le fond, mais donc tu as fait appel au soutien du public en disant voilà, aidez-moi à réaliser cette série, je crois, de plus d'une vingtaine de vidéos pour faire une synthèse permettant, comme tu le dis très bien, de remettre à l'endroit l'histoire sur le national-socialisme et sur le Troisième Reich. Et tu as besoin d'un soutien financier, je crois. Parce que voilà, moi je vivais le cours particulier. Maintenant, je peux plus en donner, puisque quand on est en exil et puis qu'on est caché, on peut pas. C'est-à-dire que là, j'arrive en gros à la fin de mes réserves. Après, je ne sais pas ce qui se passera, puisque naturellement, je vis pas dehors et puis je vis pas gratuitement. Ça, c'est pas possible. Et donc, pour vivre, en fait, moi, il me faut en gros 500 euros par mois. Parce que je vis de façon très simple. Je travaille, je fais mon tour à vélo et je suis dans ma petite chambre. Et c'est pour ça que, comme j'ai calculé qu'il fallait à peu près 3 mois pour faire la vidéo, enfin pour faire cette série, j'ai demandé aux gens s'ils pouvaient pas, par des dons aussi minimes soient-ils, via mon blog, m'envoyer de l'argent pour que je puisse tenir ces 3 mois. Donc, je ne cache pas que ça n'a pas du tout fonctionné. Il faut toujours dire la vérité en politique. Ça n'a absolument pas fonctionné. C'est pour ça que je me presse. Je me presse, puisque comme je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai déjà mis les 3 premiers épisodes en ligne en 3 jours. Et là, je suis en train de travailler sur le 4e. Et je vais essayer, en fait, il y a 19 épisodes plus une conclusion, ça fait 20 épisodes. Je vais essayer de mettre les 20 épisodes en un mois, quoi. Voilà. Et puis après, bah, advienne que pourra, comme j'ai toujours dit, mon destin à ce niveau-là n'a plus d'importance. Bah, appel est lancé en tout cas à tous nos auditeurs. Si vous avez envie de soutenir Vincent dans sa tâche, on mettra les liens vers les moyens de te soutenir financièrement. Donc s'il y a des messages, c'est très gentil, merci. C'est mais c'est comme ça aussi. Hein, je veux dire, vous regardez Mediapart, ils fonctionnent uniquement de cette manière. Hein, je veux dire, voilà, il y a des mécènes, il y a des gens qui veulent soutenir la création de contenu, il y a des gens qui font du crowdfunding. Voilà. Enfin, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Hein, je veux dire, on n'est pas subventionné. On fait face à des difficultés techniques considérables. Je veux dire, par exemple, démocratie participative, le nom de domaine est constamment censuré. Voilà. Enfin, c'est une résistance asymétrique, mais c'est vrai que les moyens en face sont beaucoup plus considérables que ce que dont on dispose. Et vous voyez, hein, voilà, Vincent, voilà, 500 euros par mois, c'est quand même assez peu ce qu'il demande pour continuer son travail, qui travaille à mon sens tout à fait fondamental. En tout cas, l'appel est lancé et j'espère qu'il sera entendu par nos lecteurs, bienfaiteurs, mécènes, voilà, bien sûr. Oui, je remercie d'avance. Hein. Et c'est vrai que c'était ce que tu disais. Je dirais que même c'est un miracle qu'on soit encore là. Je sais que, notamment, je vois sur les forums de démocratie participative, il y a des gens, ils ont tendance à être critiques envers les émissions, mais réfléchissez que c'est un miracle que Gandalf soit là, que je sois encore là. Moi, le 25 octobre, tout aurait pu se terminer. Et puis, on a des problèmes techniques terribles, censure permanente. Moi, on m'a fermé tous mes comptes en banque. Mon compte PayPal, j'en parle pas. Tous mes comptes YouTube, etc. Donc, il faut, des fois, y penser qu'on fait de notre mieux dans une résistance qui est totalement asymétrique. Oui, c'est ça, c'est sûr. Il faut le remettre en contexte. Alors, messieurs, commençons cette émission à proprement parler. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier qui est plus une remarque, c'est Albert qui nous a envoyé ce courrier à notre adresse, donc dnmx.org, enfin dempart@dnmx.org, qui faisait suite à notre discussion. Hein, voilà, c'est-à-dire, tu avais cité Drummond, Vincent, qui c'était en réaction, vous savez, cette vidéo d'une jeune, enfin, c'était une vidéo qui était conçue pour mobiliser l'électorat. Naturel entre guillemets d'Emmanuel Macron, en tout cas la sociologie qui pouvait être sensible au message d'Emmanuel Macron, et c'était une jeune femme qui marchait dans la rue et qui craignait que Mélenchon n'interdise les vols vers Marrakech pour des raisons écologiques ou je ne sais quoi. Et bon, on va pas refaire la discussion là-dessus. Et donc, tu avais cité Drummond en disant, oui, l'égoïsme de cette bourgeoisie n'est pas nouveau. Et tu avais expliqué que déjà, à la fin du 19e siècle, il y avait des portraits de cette bourgeoisie qui ont encore leur valeur en 2022. Hein, voilà. Et alors, Albert nous cite ceci, c'est Honoré de Balzac, et ça date de 1840. Et il nous dit, attendez, certes, le propos de Drummond est très intéressant, mais on peut aller bien au-delà, dans le temps. Et alors là, je vous cite le propos de Balzac. « Qu'est-ce que la France de 1840 ?» s'interroge Honoré de Balzac. Un pays exclusivement occupéré d'intérêts matériels, sans patriotisme, sans conscience, où le pouvoir est sans force, où l'élection, fruit du libre arbitre et de la liberté politique, n'élève que les médiocrités, où la force brutale est devenue nécessaire contre les violences populaires, et où la discussion, étendue aux moindres choses, étouffe toute action du corps politique, où l'argent domine toutes les questions, et où l'individualisme, produit horrible de la division à l'infini des héritages qui supprime la famille, dévorera tout, même la nation, que l'égoïsme livrera quelques jours à l'invasion. 1840, voilà, c'est-à-dire que c'est un propos qui a plus de 180 ans. Plus de 180 ans. Honoré de Balzac, je ne vois pas une seule virgule à enlever de ce propos qui finalement tient en un paragraphe. Hein, voilà, j'ai rien trop à dire, mais je crois, ça c'est ma conviction profonde, que les très grands esprits sont capables de voir très très longtemps à l'avance les premiers germes de putréfaction et d'entrevoir les conséquences ultimes de cette putréfaction naissante et peut-être même très marginale lorsqu'elle apparaît. Parce qu'on se dirait, ouais, attendez, la France de 1840... Ça paraît impensable. Et si, en fait, si on observait, si on était observateur, on pouvait déjà voir, en fait, sous l'action notamment de la démocratie, notamment, hein, on pouvait déjà voir la pourriture prendre. Hein. Est-ce que, brièvement, parce que bon, voilà, c'était une précision qu'Albert apportait, moi je trouve ça bien senti, donc il m'est apparu nécessaire de la citer, mais est-ce qu'éventuellement vous voudriez rajouter un petit propos à cette situation d'Honoré de Balzac? Oui, moi j'aurais quelque chose à rajouter. Ça donne quand même l'impression d'un biais d'humeur, parce que la qualité des élites et d'un certain nombre d'éléments sociaux à l'époque était quand même bien supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui, donc ça paraît un peu black-pilled, comme on dirait en anglais. Pessimiste, Oui, pessimiste. Mais cela dit, les idées de la Révolution faisaient leur chemin, notamment l'égalitarisme, et ils n'avaient plus vraiment de meneur d'homme depuis 1815. Donc je pense qu'il y a eu un temps très fort avec Napoléon, et que la période qui a suivi a été très bourgeoise, très très facile. Et comme disait De Grelle, le peuple, c'est un peu de la boue sans meneur d'homme pour en faire quelque chose. Disons qu'il a tendance à retomber dans ses vices et dans ses basses tendances. C'est très juste. Ouais, je partage ce... Oui, surtout cette période-là, oui, on est... c'est la monarchie de Juillet. Ça, hein. Qui est vraiment là, bah oui, voilà, c'est-à-dire que c'est... on sort du... de la tentative de restauration stricte de la monarchie absolue, qui échoue. Le coup d'État de la dynastie d'Orléans, qui essaye d'allier l'aristocratie d'Ancien Régime et la bourgeoisie de plus en plus puissante. Et on est, oui, dans une ère où la bourgeoisie a pris le dessus. Et puis, comme tu as bien cité, bon, on est après 1815, donc la France ensuite a été occupée jusqu'au début des années 1820. Donc c'était une puissance isolée en Europe, dont en fait le sort ressemble pour beaucoup au sort de l'Allemagne en 1945. Hein, c'est-à-dire que la France en 1815, c'est un pays qui a fait trembler l'Europe et qui est à genoux, dont les meilleurs hommes sont morts sur les champs de bataille de toute l'Europe, et dont ne reste que finalement les opportunistes, les calculateurs, les planqués, voilà, c'est ça en réalité. Il y a plusieurs personnes comme ça qui ressortent, et des gens comme Fouché, des gens comme Talleyrand, tout ça qui me semble assez bien incarner ça, ou même Lafayette aussi, des personnages comme ça. Et je crois qu'en 1840, c'est ce que tu as dit, quoi. On est dans une France qui finalement essaye de rompre un peu avec son isolement, mais qui ne peut plus rompre par les armes. Puisque comme grande puissance militaire, elle a été écrasée. Je crois qu'avec l'ascendant qu'a pris l'Angleterre, il y a une anglophilie qui existait hein, avant Napoléon, mais qui existe aussi là, qui pénètre beaucoup les élites bourgeoises. Bon, voilà. Alors, c'est vrai tout ce que tu as dit aussi, c'est vrai que c'est peut-être un biais d'humeur, parce que tu dis quand on compare à la situation actuelle, oui, bon, voilà, il faut quand même. Bon, mais oui. Oui, d'autant que la France est en pleine expansion économique, il y a quand même un certain nombre d'évolutions. Bon, ça bénéficie pas encore au grand nombre qui est assez écrasé par une mauvaise situation sociale. Mais la France vient de conquérir l'Algérie, dont elle a achevé la conquête en 1836. Donc, elle est quand même plutôt en expansion. La situation est pas si mauvaise et c'est pas un pays qui manque totalement d'ambition, c'est-à-dire qui Non. Elle est pas fermée sur elle-même, elle est pas en dépression. Donc c'est tout de même assez amusant à notre époque de lire Oui. un texte. Oui, c'est certain. Bah, elle se cherche, en 1840, la France se cherche, elle essaie de se trouver une place en Europe, de rompre son isolement, et elle passe par des théâtres extérieurs, mais secondaires, c'est-à-dire des théâtres qui ne sont pas de nature à encore rompre l'équilibre continental, hein, qui ne remet pas en cause l'ascendant britannique, etc. Donc c'est vrai que tu expliques, il y a le cas d'Algérie. Bon, Napoléon essaiera plus tard hein, son aventure mexicaine. Bon, on voit bien quoi que effectivement elle se cherche une place en Europe et dans le monde à ce moment-là. Voilà. Mais bon, on s'écarte un petit peu du propos de Balzac, mais oui, c'est intéressant ça. Vincent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire là-dessus? Est-ce que tu trouves que Balzac est visionnaire? Est-ce que tu rejoins plutôt le propos de Jean oh, oui, c'était peut-être un propos polémique dans le contexte de l'époque où il force le trait. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu avais dit déjà avec Drummond? Bien, moi, je rajouterais que d'abord, j'avais pris Drummond parce que son texte collait vraiment avec cette femme qui était indifférente à tout ce qui se passait autour d'elle. C'est pour ça que j'avais choisi Drummond. Mais je rejoins, moi, parfaitement Balzac. Et ça avait commencé bien avant Balzac. Moi, je trouve que là-dessus, bon, bah, c'est mon opinion, hein, je pense, c'est pas un billet d'humeur. Il faut voir un peu la décadence sous le Directoire. C'était vraiment déjà des époques complètement bourgeoisées, complètement décadentes, mais ça remonte bien avant. J'ai des textes que j'ai même déjà cités dans des vidéos du 17e siècle, où déjà des gens disaient à la noblesse, vous trahissez votre religion, vous trahissez votre patrie, vous n'êtes plus intéressé que par vos terres, par vos héritages, etc. Donc déjà au 17e, il y avait des gens qui s'élevaient. Alors à l'époque, on écrivait ce qu'on appelait des très humbles remontrances ou des très humbles avertissements, parce qu'on s'adressait à la noblesse quand même, hein. Et bien c'était souvent des prêtres qui disaient, mais voilà, dans le fond de vous-même, la religion ne compte plus pour vous, plus rien ne compte que vos propres richesses. Donc pour moi, non, non, non, absolument pas. Balzac était un visionnaire. Je le vois tout à fait comme ça. Et on voit déjà qu'au 18e siècle, il y avait une indifférence qui s'élevait un peu partout, et ça devait mener à cela. Je pense que pour moi, ça m'a toujours intéressé de savoir d'où ça remontait, et je pense qu'il y a eu vraiment une cassure au 16e, 17e, et il y a un livre qui a été consacré à cela, qui s'appelle « La crise de la conscience européenne ». Et c'est un livre qu'il faut vraiment lire, ça doit dater des années 20, je pense. Où un auteur a bien montré qu'au XVIe et XVIIe siècle, il y a une brisure qui va donner tout le reste. Donc non, non, moi je pense que Balzac était un visionnaire, et je dirais même pas, je dirais que c'était déjà, on pouvait déjà le constater à l'époque. Voilà, ça c'est mon opinion par rapport à toutes les recherches que j'ai faites. Oui. Donc, c'est toujours un peu la question de savoir d'où vient le mal, quand ça a commencé, quand sont ces premières manifestations. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Vincent, puisque finalement, dans la Révolution française, phénomène complexe d'ailleurs, en fait, la Révolution française, quand on fait vraiment la généalogie de la Révolution française, on découvre que dès le début du XVIe siècle, il y a déjà des discussions en France pour l'établissement d'une république. Tout à fait, tout à fait, tu as tout à fait raison. Ouais, donc je crois que c'est la première moitié de... sous toute réserve, hein, parce que c'est autour de la première moitié du XVIe siècle, dans la partie protestante du sud de la France. Donc là aussi, un contexte très, très bouleversé, des tensions sociales très très fortes entre protestants et catholiques en France, et des auteurs protestants, il y en a un, mais dont j'ai oublié le nom, et le premier à mettre en forme dans un livre son idéal républicain, dans lequel il explique, voilà, la France doit devenir une république. Voilà. Et donc, vous imaginez, on est au XVIe siècle en France, donc c'est, on est entre deux et trois siècles avant la Révolution, vous voyez. Donc, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, c'est un peu comme le national-socialisme, la révolution nationale-socialiste, avant qu'elle accouche en 1933, il y a eu un travail intellectuel en Allemagne, et puis aussi des bouleversements hein, qui convergent, mais de 150 ans. Ce sont des longs processus. Oui, il y avait les agrariens qui étaient des pré-nationaux socialistes dès le 19e. Bien sûr. Voilà, donc, en fait, peu importe, j'allais dire, les courants, les aspirations en bien ou en mal, quand l'orage éclate, en réalité, il était en germe depuis bien longtemps. Bien, bien longtemps. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Les choses ne se déclenchent pas. Alors, les événements cathartiques ont lieu en quelques semaines, souvent, comme la Révolution française. Mais la maturation peut prendre, dans le cas de la Révolution française, c'est au moins deux siècles. Hein, c'est-à-dire de contestation du rôle de la monarchie, de l'aristocratie, de la place de la religion, etc. Donc voilà, le propos de Balzac, là, 1840, nous semble être très pertinent aujourd'hui. Que dirait-il s'il avait la France actuelle sous les yeux? Il ne la reconnaîtrait pas, déjà, pour commencer, puisque elle est complètement défigurée par l'immigration, ne serait-ce que cela, mais aussi par quantité d'autres évolutions. Alors, messieurs, passons au deuxième courrier, plus long celui-ci, que je vais vous lire immédiatement. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier quant à vos émissions depuis ces années, même si, je vous demande pardon, je n'ai pas encore contribué. Je pallierai cette absence dans quelques temps. Je vous écoute à l'occasion depuis la saison 3 environ. Cependant, récemment, vous avez affirmé ou confirmé collectivement des éléments que je ressens au quotidien et que je constate de plus en plus. Alors, c'est alors, depuis quelques émissions que j'ai écoutées régulièrement, que je trépignais d'entendre la prochaine, la 20e de la saison 7, émission qui marquera probablement pour moi un avant et un après, donc la dernière émission. Un événement du temps qui fera référence donc, dans la vie de cet homme. Je m'explique. Le mercredi 15 juin, précisément, j'allais récupérer ma compagne et mes filles au parc de jeux, après leur séance de piscine. C'était vers 19h. Quand j'arrivais au parc de jeux pour enfants, je fus atterré de constater que les seuls blancs, c'était nous cinq, un adulte et un enfant. Donc il y avait eux cinq et un adulte et un enfant. Le reste oscillait entre noirs et maghrébins, pour une bonne cinquantaine de personnes au moins, et quelques blancs que nous étions inclus. Je ne pris pas la peine de compter précisément, je sentais plutôt qu'il fallait partir sans trop tarder. Alors, le sentiment d'être étranger dans ce lieu m'avait envahi, comme si j'étais en vacances dans un pays d'Afrique du Nord, et encore, pas sûr qu'il y aurait eu une répartition telle entre les Noirs et les Maghrébins. J'ajoute qu'au-delà de me sentir étranger dans un lieu public, dans mon propre pays, c'est surtout la sensation de danger imminent qui m'a le plus frappé. Je craignais, véritablement, que quelque chose puisse arriver à l'une de mes filles ou à ma compagne. J'étais donc à l'affût, à l'écoute de tout, sans pouvoir profiter du moment avec ma famille. Je ne veux plus vivre ça. Mais ce n'est pas le sens des événements actuels, malheureusement. Donc, il veut dire par là, j'aimerais ne plus le vivre, mais ce n'est pas la direction de prendre la société en ce moment, bien au contraire. Donc, je terminerai ces par ces quelques mots, simplement en vous disant que nous sommes une famille blanche de sept personnes, un père, une mère, un garçon, quatre filles, et que nous les instruisons à domicile, donc à l'école. Nous avons commencé en 2018, à l'exception du garçon qui est retourné au lycée. Il est vrai que ce n'est pas évident au quotidien, mais c'est important. Néanmoins, en ces temps difficiles, incertains, et bien que nous n'ayons qu'entreaperçu leur capacité de nuisance, j'aimerais adresser un message de courage aux familles blanches et surtout aux couples qui voudraient avoir des enfants. Je vous dis ceci, c'est difficile mais gratifiant. Je vous en prie, ne cédez pas au cynisme, à l'hédonisme, à outrance, et optez pour la vie. Si vous voulez une famille, bâtissez-la et préservez-la. C'est le travail de votre vie, insiste notre auditeur. Merci encore de nous gratifier de votre émission hebdomadaire et de la qualité de la langue française que vous utilisez pour la conduire. Bonne continuation à tous, un père blanc reconnaissant, avec un post-scriptum adressé à Vincent. Pour Vincent, qui a proposé des cours particuliers, je le remercie de sa proposition, mais sans aller jusque-là, peut-il recommander des ouvrages pour que nous puissions nous instruire réellement sur l'histoire de France et de l'Europe en premier lieu, ainsi que nos enfants. Voilà, donc, comme ils font de l'enseignement à domicile, je présume qu'ils recherchent des manuels, alors a priori plutôt d'histoire, mais il y a peut-être d'autres manuels d'ailleurs qui pourraient être de qualité. Alors là, ça s'adresse à Vincent qui, lui, c'est sa formation professionnelle, donc il aura certainement des choses à dire. On va commencer tout de suite avec toi, Vincent, ne serait-ce que pour répondre déjà dans un premier temps à ce post-scriptum. Qu'est-ce que tu aurais à dire, Vincent ? Pour l'instant, rien, parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. Et puis, quant à trouver des manuels d'histoire sur l'histoire de l'Europe, les manuels sur l'histoire moderne, ils n'en trouveront aucun, puisque ce sont des manuels officiels. Il faudrait passer par autre chose. Alors, j'essaierai, si je peux, me mettre en contact avec lui pour savoir exactement ce qu'il souhaite. Et dans ce cas-là, je pourrais le guider. Mais là, c'est un peu trop général, ce qu'il a demandé. Voilà ce que j'ai à répondre sur ce post-scriptum. Mais voilà, si je peux avoir son adresse, c'est parfait. Tu voudrais plus de précision ? Je sais qu'il existe des manuels qui ne sont... Par exemple, je disais des échanges sur Twitter, mais bon, moi je le sais, je le savais bien sûr. Mais c'est pareil, il y a des familles qui... Alors c'était notamment pour, vous savez, comment on appelle ça, là ? Vous savez, là, les cahiers de vacances, là, pour... j'ai oublié... C'est le terme, c'est les cahiers de vacances. Cahiers de vacances, voilà, pour que les enfants ne décrochent pas totalement... durant la période estivale, face des exercices de grammaire et autres. Et alors, il y avait un parent qui posait la question sur Twitter. Alors, malheureusement, je n'ai pas noté l'édition, mais il y avait une maison d'édition qui proposait des ouvrages, si vous voulez, où il y a des cahiers de vacances sans diversité. Puisque tous les cahiers de vacances, aujourd'hui, intègrent des personnages... représente la société multiraciale, glorifie la société multiraciale, accoutume les enfants blancs à la présence halogène, d'accord ? Donc, sur les cahiers de vacances, il y a forcément un noir, un arabe, il y a toutes les couleurs, si vous voulez, voilà. Et alors, il y a des parents d'élèves qui refusent absolument ce conditionnement, ils ont raison. Et donc, ils recherchent, en fait, des manuels où il n'y a pas toute cette pollution visuelle, cet embrigadement idéologique du cosmopolitisme dominant, et qui veulent des cahiers de vacances, où il n'y a que des Européens représentés, de type européen, donc des personnages européens, voilà, avec des blancs, en gros, voilà. Alors, il y a d'autres choses, il y a les manuels d'histoire, qui ne sont pas tordus par l'idéologie il y a de quoi faire, mais marxiste, marxisante, qui culpabilise l'homme blanc, ou qui font un procès plus particulièrement de l'histoire de France, de la déconstruction, comme on dit. Bon, là, je pense qu'il y a quand même du choix, dans des anciens manuels notamment. Il y a toute une série de choses comme ça, mais là, effectivement, il faudrait être précis, il faudrait avoir de la matière. Alors, peut-être que des auditeurs ont ça, ou connaissent les références. Ce serait bien qu'ils nous en donnent, soit en courrier des lecteurs, soit même en commentaire de l'émission. Ça peut être très intéressant. Donc ça peut être soit pour des cahiers de vacances, soit pour de l'accompagnement scolaire à la maison. Donc si vous avez ça, ça peut être dans tous les domaines, hein, je veux dire. Mais il y a aussi, parce qu'il y a aussi la question de l'orthographe. Moi j'ai vu des trucs effrayants. Je crois qu'il s'appelle René Chiche, ce personnage. Il est sur Internet. C'est un prof Je ne connais pas son bord politique, hein. Je ne crois pas qu'il soit de droite nationaliste du tout, mais il serait qualifié, entre guillemets, aujourd'hui par l'établissement dirigeant l'éducation post-nationale française de réactionnaire. Si vous voulez. Et alors, il a donné un exemple de copie en philosophie, donc c'était pour préparer, me semble-t-il, le bac, si je ne m'abuse, c'est à pleurer. Alors, vous oubliez l'orthographe, vous oubliez complètement les règles élémentaires de l'orthographe. C'est même pas de la phonétique, parce qu'il faut respecter les codes de la phonétique, c'est même pas de la phonétique, mais je veux dire, on ne peut pas lire, si vous voulez, il faut déchiffrer, et alors le fond du propos, alors c'était marrant, parce que le fond du propos consistait à dire, je sais pas quelle était la question, mais la réponse était la suivante, l'État ne doit pas se mêler de la vie des gens, parce que je sais pas quoi, c'est une question d'ordre personnel, je sais pas quoi, bon en gros, il faut pas qu'on s'occupe de ma vie privée, je sais pas quoi. Donc il faut pas s'occuper de mon truc, voilà, de mon petit machin, et c'était écrit dans un... c'était même pas du français, quoi. Et il disait, le problème, c'est que ça, cette copie-là, elle est pas exceptionnelle. C'est d'une banalité total. C'est totalement banal, ce niveau, cet effondrement du langage, cet effondrement du niveau de vocabulaire, c'est syntaxique, tout, quoi. Enfin, tout s'écroule, et on ne parle même pas de la pensée. Alors là, parce qu'il n'y en a même plus, en fait, il n'y a même plus de pensée, quoi. Parce qu'en gros, là, le fond du propos, c'est « je fais ce que je veux », ni plus ni moins, quoi. Donc, y a des parents qui doivent peut-être chercher aussi à pouvoir apprendre, bah oui, l'orthographe de manière très simple, à leurs enfants, à l'ancienne, et là je pense qu'il y a beaucoup de manuels très bien faits qui peuvent aider. Il y a la méthode Baucher, hein, qui reste le manuel pour l'orthographe et la lecture. Hein, ça, c'est... Tu peux en dire un peu plus là-dessus, parce qu'il y a, à mon avis, beaucoup de gens qui nous écoutent qui aimeraient avoir ce genre de manuel, mais qui ne les connaissent pas, tout simplement, ils ne savent pas que ça existe. Quoi. Ah ben alors là, je pense qu'il faudrait soit faire une rubrique sur un forum, ce serait mieux, parce que notamment pour la lecture, vous avez donc les anciens manuels de Baucher. La méthode, c'est la méthode B.A.B.A. Hein. Ça veut dire qu'on apprend, et on apprend, c'est superbe. C'est très bien fait, et là, avec ça, l'enfant, c'est notamment lire, mais aussi écrire. De façon, si c'est fait sérieusement, il n'aura pas de problème en lecture et en écriture. Donc, je vais mettre en commentaire la référence exacte, mais après, il y a plusieurs choses, mais je pense qu'il faut passer... Pour les jeunes enfants en primaire, pour la lecture, c'est ça. Ça a fait ses preuves pendant des générations, et les anciennes générations apprenaient avec cela. Alors pour la mathématique, vous avez aussi des anciens manuels qui sont toujours très actuels. Je parle pour les petits. Hein, et puis, par contre, voilà, l'histoire, c'est un peu plus problématique, surtout pour la période moderne. Il y a sûrement des biais, mais paradoxalement, je les connais moins, parce que moi, je fais du révisionnisme. Et comme prof, je fais plutôt des maths et des sciences. Et aussi, ça m'a intéressé de faire un peu de français avec mes enfants, mes propres enfants. Mais voilà. Mais je vais mettre en commentaire, mais je pense qu'il faudrait, voilà, il faudrait organiser quelque chose autour de ça, sur la démocratie participative, pour des gens qui voudraient assurer à leurs enfants, même en plus de l'école, pas forcément de les retirer d'école, hein, mais en plus, quelque chose de solide. Oui, intéressant. Bonne idée, bonne suggestion, qui devrait être suivie des faits, je pense. Ça sera très utile. J'ai vu cette semaine un certain monsieur Brighelli, je crois, qui est intervenu sur Sud Radio pour plusieurs médias, qui parlait de ce sujet, l'effondrement de la langue française, du niveau de français, la syntaxe, la maîtrise de la syntaxe, du vocabulaire, etc. Et alors lui, il a fait la genèse de ça, parce que ce qui l'intéressait, c'est un peu comme nous, vous voyez, mais dans un autre domaine, il disait, je voulais savoir d'où ça venait. J'ai voulu comprendre les racines du mal, les identifier dans le temps, dans l'espace. Et il disait que déjà, je crois que lui, il fait remonter la chose à 64. Il dit, voilà, il y a un personnage sous le gouvernement de Gaulle, au sein du ministère de l'Éducation, dont j'ai oublié le nom, hein, vous pouvez reporter aux vidéos de ce monsieur Brighelli, qui pointe du doigt, qui a joué un rôle, pardonnez-moi, c'est monsieur Brighelli, qui pointe du doigt le rôle de cette personne au sein de l'administration sous De Gaulle, qui a entrepris un véritable travail de démolition. Alors, monsieur Brighelli explique en fait que c'est une démarche totalement recherchée. Croyez-moi, ça a été pensé, ça a été voulu de très longue date, pas par des individus, mais par le système lui-même qui avait besoin de ce type d'école. Eh bien là, Voilà. Pourquoi il avait besoin de ce type d'école ? Ça alors, vous renvoie. Si alors, vous avez d'un côté des preuves directes. Les preuves directes, c'est la conférence de Lisbonne en 2000, 99-2000, qui détermine qu'il faut 90% de gens à culture nulle et 10% de cadres. D'accord. C'est écrit noir sur blanc. Comme ça. C'est 90%, oui, oui. Et 90% de consommateurs. Consommateurs, c'est bien un mot qui commence mal, hein, à tout point de vue. Certes. Et pour que ce soit énoncé en 2000, il fallait que ce soit sur les rails bien avant. Bien avant. Donc je suis remonté aussi loin que j'ai pu. L'apocalypse a commencé. C'est une apocalypse lente. Hein, ça se fait pas, c'est pas un tsunami. Ça a commencé 63-64. Sous De Gaulle. De Gaulle s'en fichait de l'école. De Gaulle pensait que ça avait continué comme dans sa jeunesse, quand il était dans des écoles privées religieuses dans l'est de la France. Avec l'uniforme, etc. etc. Voilà. Lui s'occupait du régalien, etc. Pendant ce temps, il y avait des ministres. Alors, j'imagine que vous êtes allé au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez cet escalier avec toutes les photos des ministres. Vous regardez, vous en connaissez une dizaine. Une dizaine, hein, je vous assure. Les autres, vous dites, mais qui c'est ? Bon, ça n'a aucune importance. C'est pas le ministre qui commande, ce sont les bureaux. En l'occurrence... L'administration. En l'occurrence, qu'on appelle la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. D'accord. Et en 63, qui dirigeait la DGESCO ? C'était un certain René Haby. René Haby, qui était déjà l'homme lige de Giscard d'Estaing, qui venait d'entrer ou qui allait entrer dans le gouvernement, tout ça, c'est le bloc européen qui est dans le dos de De Gaulle. Je dis bien dans le dos de De Gaulle, puisque ce sont eux qui vont le faire basculer lors du référendum de 69. Hein ? Ce sont des gens qui sont les continuateurs de Jean Monnet. Jean Monnet que De Gaulle traitait d'agent de la CIA. Hein, oui, presque, il y en a d'autres. Absolument. Bon. Et donc c'est eux, ce sont eux qui organisent ça. Ce sont eux qui organisent ça, un truc tout simple. René Haby, à l'époque, donc organise une commission, c'est pas la commission Rouchette, pour déterminer quel est le français que l'on doit apprendre à l'école. C'est une question qui semble bizarre quand même. Hein. Vous ou moi, on a appris à l'école une langue qui était au fond une langue littéraire, parce que la langue française, même à l'oral, est une langue éminemment littéraire. Absolument. Bien, ils ont décidé que ce serait la langue orale telle qu'elle se parlait. L'ultime avatar de cette décision, ça a été il y a 3 ou 4 mois, lorsqu'un député En Marche, je ne sais vers où, a dit que l'exemple type de la langue française était Aya Nakamura. Il veut rentrer dans ma tête, je suis choqué. Parce que le peuple n'a pas besoin de parler un bon français. On s'en tape. Pour commander des plats chez Uber, il n'a pas besoin de parler français. Pour pédaler chez Uber, il n'a pas besoin non plus de parler français. En revanche, il y en a 10% qui fréquentent les bons établissements. Mettons sur Paris, il y a l'école alsacienne, Estan. Hein, l'école bilingue, etc. Voilà. Etc. Oui. Et quelques très grands lycées publics, dès qu'on touche à leurs privilèges, ils se mettent à hurler partout. Ça a été appliqué au moment où le même René Haby se retrouve ministre de l'Éducation en 1974. D'accord. Et là, ils arrivent au pouvoir, ils y sont, hein, et dans les mois qui suivent, ils sortent deux décrets qui se suivent à 3 mois d'intervalle. Le premier, c'est ce qu'on appelle le collège unique, c'est-à-dire que tous les enfants, quel que soit leur niveau, se retrouvent tous ensemble en 6e. Et 3 mois plus tard, le rapprochement des immigrés et de leur famille. Regroupement familial. Oui. Ce que l'on a fabriqué, ce sont des classes dont le niveau allait forcément baisser, puisqu'on allait y intégrer, c'est pas du tout de leur faute, hein, qu'on soit bien clair, on allait y intégrer des gosses qui ne parlaient presque pas français. C'est ça. Et on s'aligne sur le plus malhabile, vous le dites dans votre livre. On s'aligne forcément, sinon on le largue immédiatement. Si un certain nombre d'élèves n'arrivent pas à sauter, on baisse la corde. C'est-à-dire que l'effondrement du niveau d'instruction n'est pas du tout un accident du fait d'expérimentations plus ou moins heureuses, pas du tout. Il dit non, c'est vraiment un but, et il dit voilà, c'est une logique, je ne sais pas trop comment la qualifier, mais de société à deux vitesses qu'il faut construire, où il y a un bétail qui représente 90% de la population, qui est à la limite de l'illettrisme, complètement stupide et abruti par les médias, les réseaux sociaux, et auxquels on demande que la consommation, et c'est tout. Et 10% de gens qui, eux, sont globalement, alors c'est pas une science exacte, mais globalement immunes à cet effondrement du niveau, et qui, eux, vont dans des écoles très, très, très précises, donc des écoles du sérail, et qui se transmettent ensuite de père en fils les responsabilités politiques au sein de la société, quoi. Il dit, voilà, ça, c'est les 10% de la classe dirigeante, quoi. Voilà. Et il dit, c'est pas du tout un accident, c'est vraiment un effort dans la durée pour changer le visage de la société. Voilà. Alors, bon, en tout cas, c'est le propos de M. Brighelli, et bon, bah, du coup, voilà, alors ça passait très trivialement par la constatation de la chute du niveau de français. On va aller. Je t'interromps juste pour dire que pour les gens qui veulent remonter justement à la nocivité de l'éducation nationale, vous avez un livre paru en 1995, que moi j'ai lu à l'époque, c'est le livre de Pascal Bernardin, Machiavel pédagogue ou le ministère de la réforme psychologique. Oui. Alors là, c'est génial, hein. Vous pouvez l'avoir très facilement sur Amazon, du genre pour 7 euros, hein, c'est rien du tout. C'est un livre absolument génial parce que le gars était justement, il pouvait être à l'intérieur et il avait des textes, et il cite des textes précis, et ça confirme tout à fait ce que tu disais. Vraiment, c'est une volonté d'avoir une société, c'est ça, à deux vitesses. Hein. Et donc, j'aurais dit le titre, hein, c'est Machiavel pédagogue ou le ministère de la réforme psychologique de Pascal Bernardin. C'est passionnant comme livre. Ça remonte maintenant à 20 ans, enfin, un peu moins. Plus, pratiquement 30 ans, mais toujours date d'actualité. Machiavel pédagogue, effectivement, c'est un livre de référence, tout à fait. Et pour la méthode, c'est la méthode Boscher, B-O-S-C-H-E-R, hein, pour ceux qui veulent. Voilà. D'accord. Jean, sur tout ce qu'on a dit, alors il y a deux choses dans le courrier, parce que là on est parti sur l'éducation, parce que bon, l'auditeur pose la question, voilà, je cherche des manuels pour le coup d'histoire, etc. Bon, alors bon, là, appel est lancé à nos auditeurs. Bon, il y a deux choses, donc il y avait ça, il y a l'enseignement à domicile, on essaye un peu de préserver de cette destruction volontaire nos enfants. Et deuxièmement, le déclic, ça peut paraître surprenant, hein, mais vous savez, les déclics, ils ont lieu, ça c'est assez mystérieux. Vous voyez, notre auditeur, il dit, voilà, je vous ai découvert la saison 3, donc on a la saison 7, donc ça fait 4 saisons. Et pendant 4 saisons, il nous a écoutés, voilà, enfin les différents intervenants, parler de tous ces problèmes qu'on affronte, ou des constats qui sont dressés, et lui, le déclic n'a lieu qu'au bout de 4 saisons d'écoute, à la dernière émission qu'il a entendue, quand il va chercher ses enfants dans un parc de jeux. Et en fait, ses enfants sont en minorité absolue au plan racial. Ils sont cernés par les Afro-Maghrébins. Et là, lui, il a une espèce de il dit, non, enfin, en fait, on est étranger dans notre pays. On est en minorité. Alors, c'est frappant parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, mais attendez, moi, je le sais depuis les années 80 qu'on n'est plus chez nous. Mais c'est intéressant de voir que les déclics chez les différentes personnes n'ont jamais lieu au même moment, au même endroit. Et que ça dépend de beaucoup de choses. Alors, Jean, j'aimerais avoir... je pense que toi-même, t'es passé par là. Je pense que t'as eu, à un moment donné, t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand t'écoutes ce que dit ce père de famille, qu'est-ce que t'as envie de lui dire? Disons que mon déclic racial, j'ai pas eu vraiment de déclic racial. C'était toujours quelque chose de perceptible, à mon avis, surtout ayant grandi en France... dans les 30 dernières années, mais c'est un déclic sur d'autres sujets, notamment sur le révisionnisme. Là, effectivement, il y a eu un déclic, et je pense que c'est assez symptomatique que les gens ne sont pas convaincus par quelque chose. C'est pas en ayant une conversation avec quelqu'un qu'on va le convaincre, mais c'est surtout par l'expérience. Ils ont besoin de sentir au fond de leur chair ce qu'on leur a dit. Donc c'est bien de les exposer à des idées pour qu'ensuite ils mettent en confrontation les idées avec leur expérience. Et donc je pense que notamment l'émission sert en grande partie à ça. Et c'est assez clair pour beaucoup de gens en France maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ce déclic. Et je pense que bon, le résultat des dernières élections, sans sombrer dans le démocratisme, marque quand même qu'il y a une certaine fatigue, une certaine perception de ce qui se passe, notamment du point de vue de l'immigration. Mais ce qui me Moi, ce qui me touche le plus dans son message, c'est le passage sur la famille et l'importance de fonder une famille. Et je ne peux que soutenir ce message. C'est vrai que ça vient avec beaucoup de problèmes, notamment un des problèmes, c'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils grandissent avec les bonnes valeurs, qu'ils deviennent pas, disons, le contraire de ce qu'on aimerait qu'ils soient? Et ça, effectivement, c'est un gros problème, mais comme il dit très bien, c'est très très gratifiant. Et je pense qu'effectivement, tout mis à plat, une fois qu'on a tout reconsidéré, c'est le travail le plus important qu'on a à faire dans sa vie, c'est de créer une famille d'enfants, enfin, donc avoir des enfants qui eux-mêmes créeront une famille. Parce qu'en biologie, quand on s'intéresse aux études, c'est un autre domaine, mais je pense que c'est intéressant de dire ça aux auditeurs, que les stratégies évolutives qui sont considérées dominantes et supérieures sont celles qui permettent d'obtenir le plus de petits-enfants. Donc, c'est pas tout d'avoir des enfants, mais il faut avoir aussi des petits-enfants, c'est-à-dire faire en sorte que ces enfants eux-mêmes aient un environnement sain pour créer une famille, ainsi de suite. Et une dernière chose, c'est que bah, ça nous rend fous de voir toutes ces familles avec tous ces enfants, enfin toutes ces familles de Noirs et d'Arabes avec tous ces enfants. Mais il faut se dire que eux aussi, ça les rend fous de nous voir nous avec des familles nombreuses. Oui. Donc s'il y a bien quelque chose d'efficace à faire dans la lutte à tous les niveaux, c'est vraiment de faire des enfants. Je vois que par exemple sur le forum, William Calais, qui intervient sur les forums de ELB, dit bien, pourquoi faire des enfants dans cette, alors que la France est morte, dans cette poubelle purulente qui est la France? Alors moi, ma réponse, elle est la suivante. Elle est la suivante, c'est que je ne critique pas ceux qui ne veulent pas faire d'enfants, parce qu'ils ne s'en sentent pas le courage, ils ont trop peur. Bon, ben c'est leur choix. On va dire, vous tenez un discours de gauche, là, mais enfin bon, c'est comme ça. Moi, je n'ai absolument ni mépris, ni condescendance contre ces gens-là. Ils ne peuvent pas. Quant à ceux qui peuvent ou qui veulent, eh bien, si je peux les rassurer, c'est se dire qu'il y a toujours des biais. Il y aura le biais de l'enseignement à la maison, voire de mettre dans des écoles totalement privées. Alors le problème, c'est que c'est cher en général. Et même si on n'est pas d'accord avec tout, il reste quand même au sein de milieux qui sont préservés. Je pense notamment aux écoles de la fraternité Saint-Pilice, hein, même si moi je suis pas du tout fraternité Saint-Pilice, mais ça reste quand même des milieux préservés. Et puis en dernier recours, il faut dire une chose, c'est que, eh bien, l'enfant que l'on fait, au final, il nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on veut lui donner une bonne éducation, on veut qu'il devienne ci ou ça, on veut qu'il soit préservé. Eh bien, on va le préserver au maximum, on va faire ce que l'on peut. Et si finalement l'enfant sombre, eh bien, j'aurais tendance à dire, bah, c'était son destin. C'est lui qui a choisi au bout d'un moment. Et eh bien, il faut s'y faire. Il faut dire, voilà, moi j'ai fait mon devoir, j'ai fait les enfants parce que je le voulais. Je les ai protégés au maximum. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai jamais été indifférent à leur sort. J'aurais tout donné. Ils n'en ont pas profité. Maintenant, c'est leur problème. C'est moi, j'ai fait vis-à-vis de l'univers, de Dieu, de ce que vous voulez. J'ai fait ma mission. J'ai accompli ma mission. C'était très gratifiant. J'ai fait de mon mieux. Et j'ai un ami qui est dans cette affaire, qui est dans ce cas-là, qui est dans ce cas-là. Sa fille aînée, je révélerai pas son nom parce qu'il y a des gens qui seraient hyper surpris de savoir qui c'est, et ben sa fille aînée a totalement tout lâché. Totalement tout lâché. Il s'en ouvrait à moi en me disant, on est catastrophé. Mais je lui disais, mais non, non, tu as fait tout ce que tu as pu, tu lui as tout donné, elle n'en a pas profité. D'abord, ce n'est qu'une phase. Peut-être qu'elle reviendra. Hein, peut-être qu'à un moment, elle s'apercevra qu'elle a fait fausse route. Et puis, si elle s'en aperçoit pas, c'est son problème. Toi, tu as fait l'enfant, tu lui as tout donné. Tu es totalement réglo, il est catholique, bon, je lui dis vis-à-vis de Dieu, tu es totalement réglo. Et il ne faut pas après que l'ego prenne le dessus. Les enfants, c'est pas vraiment à nous. Les enfants, ça reste au bout d'un moment une personnalité. Donc n'hésitez pas, si vous sentez le cœur de faire des enfants, n'hésitez pas, donnez-leur tout. Et ben, si au bout d'un moment il y a un échec, ce qui peut arriver dans cette société, hein, eh bien ce sera comme ça. Mais vous n'aurez pas à vous en vouloir. Ce serait mon message d'espoir que je donne à tous ces gens. Oui, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Oui, c'est que les enfants ne sont pas faits pour vivre pour leurs parents. C'est absolument pas. Oui, non, ça il faut faut s'en défier. Alors l'attachement est naturel, mais il faut armer en fait les enfants. Mais c'est très difficile dans cette société qui attaque les enfants. Prenez la propagande LGBT dans les écoles aujourd'hui qui est agressivement mise en avant, parce que là ça on sent depuis 5-6 ans là. Bon, alors on pourra remonter avant, mais je veux dire, depuis 5-6 ans, je veux dire, c'est vraiment frontal. Voilà, on veut attaquer les enfants pour les convertir à l'homosexualité, hein, ni plus ni moins. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Je veux dire, ils disent là récemment, ils ont dit oui, les thérapies de conversion sont finalement interdites, etc. D'accord, mais oui, mais c'est pas vrai pour l'inverse. C'est-à-dire que la propagande LGBT vise à convertir l'homosexualité. Non seulement la société, mais les membres de la société, dont les enfants. Et on voit bien qu'il y a un effort très précis là-dessus. Donc, les thérapies de conversion, oui, c'est vers l'hétérosexualité, mais pas l'inverse. Vous voyez ? Donc, moi, je dis, quand on voit ça, quand on voit le rôle destructeur de l'éducation nationale, oui, moi, je comprends les gens qui veulent, évidemment, les retirer. Voilà. Mais c'est tellement difficile, parce que les retirer, c'est bien beau, mais quand vous devez travailler, vous avez toutes ces obligations quotidiennes, à les retirer, ben oui, mais il faut du temps à leur consacrer, il faut des moyens, je veux dire, ça se fait pas comme ça. Donc, et même, quand vous voulez faire, vous voyez, parce que la soi-disant loi séparatisme, qu'est-ce qu'elle a visé, donc de Macron, en fait, ils vont dire, oui, c'est pour viser les musulmans, tu parles des musulmans, mais bon, déjà, ils n'arrivent même pas déjà à envoyer une patrouille de police dans leur quartier sans se faire caillasser. Alors, gendarmer leurs gamins, bon, autant vous dire que voilà. Non, c'est pour attaquer les familles blanches. C'est pour empêcher que les familles blanches transmettent des valeurs traditionnelles. C'est ça qui obsède les idéologues néo-marxistes du ministère de l'Éducation post-nationale, voilà, qui sont aujourd'hui, qui est ministère aujourd'hui représenté par une caricature, qui est Pap Ndiaye, espèce d'idéologue. Racialiste noir, en fait, qui vit aux États-Unis mentalement. Je veux dire, ce mec vit aux États-Unis et encore pas. Il vit pas au milieu des rednecks, hein, je veux dire. Il vit sur la côte est, dans les facs de gauche, généralement sous très forte influence juive. C'est là qu'il vit, quoi. Hein, voilà, comme Roqueya Diallo. D'ailleurs, quand vous avez qu'à regarder tout ce qu'ils disent, c'est du copier-coller de ce qui se passe en Amérique. En fait, ils sont de passage en France, en réalité, ces gens-là. Voilà, ils attendent la promotion. C'est un petit écart, mais vous prenez Roqueya Diallo, c'est typique. Voilà, c'est qu'en fait, son rôle, parce qu'il n'y a pas son temps à aller aux États-Unis, vous voyez, pour avoir. Parce que. C'est marrant, ils sont marrants, c'est noir. C'est qu'en fait, tous les archétypes qui les font fantasmer, c'est des archétypes noirs américains. C'est pas des archétypes noirs africains, c'est des archétypes noirs américains. Donc c'est lié à la puissance américaine en réalité. Donc c'est très ambivalent. Donc dès qu'ils ont 10 jours de vacances, ils vont aux États-Unis, essayer de se faire reluire, de se faire coopter, et ils servent de vecteur de l'idéologie. Américaine en France. C'est le rôle de Roqueya Diallo, qui est une petite page dans le Washington Post, etc., qui est invité aux événements du Parti démocrate, enfin, non, dans la partie noire du Parti démocrate, etc. Enfin, c'est la CIA, quoi. C'est la CIA qui joue son rôle de destruction des sociétés traditionnelles en Europe. On le sait. Il poussait même ça dans les pays baltes. La CIA a même envoyé des notes au gouvernement balte en disant qu'il faut apprendre aux populations baltes à accepter la société multiraciale, donc c'est vous, et ça passe par l'éducation. Donc nous sommes attaqués pour ce que nous sommes, racialement. Nous sommes attaqués pour ce que nous sommes racialement. Donc s'il y a un seul racisme systémique aujourd'hui dans le monde occidental, c'est le racisme anti-blanc. C'est le racisme qui a voix au chapitre. C'est le seul qui est totalement accepté. Hein ? Contrairement à tout ce que dit la logorée de gauche. Hein, absolument. Donc dans cet environnement-là, éduquer des enfants, C'est vrai que ça peut être angoissant, et même si en bas âge, ou on va dire quand ils sont petits, on sait qu'on peut les préserver parce que y a une dépendance hein, dans les faits, on s'inquiète surtout quand l'adolescence approche. Là, je pense qu'on s'inquiète parce qu'on se dit, le gamin cherche à s'affirmer, il y a un besoin de reconnaissance sociale et d'insertion sociale, donc c'est là que les gamins copient les copains. Vous voyez, c'est très, très classique. Donc finalement, c'est un moment où les personnalités se cherchent. Et en fait, elles se cherchent dans des modèles existants. Et ce que font les copains, on essaye de le reprendre pour soi. Et la parole des parents est remise en cause. Parce qu'on dit, ouais, non, mais tu comprends pas, t'es trop vieux, c'est pas ton truc, toi, laisse tomber, vas-y, fous-moi la paix. Et là, il peut y avoir un danger, c'est d'étouffer en fait les gamins. C'est les parents qui sont trop protecteurs étouffent leurs gamins, et alors là, les gamins, ils prennent la première porte de sortie, si vous voulez, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas étouffer les gosses. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est tout à fait d'accord. Moi, je sais que chez moi, par exemple, quand je descendais de mon bureau, on ne parlait jamais de révisionnisme. Je ne voulais pas étouffer mes gamins avec mes histoires de révisionnisme. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la majorité sont révisionnistes. Alors que si je les avais étouffés, ils auraient dit à un moment, on n'en a rien à foutre, et puis on y croit. Je veux dire, ils m'ont suivi là-dessus au moins parce que je n'ai jamais étouffé. Et ça, je conseille aux parents de ne pas étouffer. Tout à fait d'accord avec vous. Ouais, c'est ça. Donc il faut être prudent. C'est-à-dire que bien sûr, ça part d'une bonne intention. On veut protéger ses enfants. Ça peut être sur le rap, etc. Alors moi je vous dis, hein, là je suis d'accord. Je veux dire, je pense que les parents doivent être vraiment interventionnistes en disant voilà, non. Mais je pense qu'il faut le faire très très tôt. C'est, il faut dire voilà, on évite les écrans. Stimuler l'intelligence de vos gamins, la lecture, ce genre de truc. Voilà, ne les habituez pas à avoir des écrans partout à la maison parce que sinon déjà l'accoutumance est là. Alors vous pouvez pas créer un sas hermétique parce que quand ils vont à l'école, il y a les copains qui ont les trucs, donc ils voient les machins, etc. Mais c'est évident que le rap détruit totalement le psychisme des gosses, c'est évident, d'accord. Donc là il faut prendre des mesures très actives, d'accord. Alors il faut jamais dire écoute pas de rap. Non, faut leur dire écoute pas de rap pour X raisons. Écoute ça plutôt. C'est-à-dire que proposez-leur d'autres choses. Il faut qu'ils aient des alternatives. Si vous êtes juste dans l'interdiction, le gamin, il est là, il dit ouais, tu vois, mon père, il veut me brider, il veut me contrôler, il veut m'empêcher de. C'est confus en plus dans la pensée des jeunes adolescents. C'est très. Alors que si très tôt vous les avez habitués à aller vers des choses qui sont belles à écouter, en fait. C'est comme quand on vous apprend à goûter des choses qui sont bonnes, quoi. Voilà, si on vous met un truc dégueulasse de supermarché, le gamin, il va faire la gueule, quoi. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas du tout envie d'en manger, quoi. Vous voyez? Donc, il faut toujours être un peu plus fin dans son approche. Et il y a beaucoup, malheureusement, de parents qui pensent bien faire, mais qui sont trop répressifs ou qui sont dans l'interdit pur, mais qui ne proposent pas d'alternative à leur gamin. Je pense qu'il faut, quand on dit à un enfant, non, il faut pas prendre ce truc, il faut aussi avoir autre chose à dire. Prends plutôt ça. Parce que si vous leur dites ça, non, faut surtout pas prendre ça, il va dire, ouais, mais mes copains écoutent ça. Et voilà, c'est... Donc, voilà. Bon, voilà. Donc, c'était le... Vas-y, Jean, vas-y. Également, je pense qu'il y a un aspect, il faut proposer un modèle aux enfants, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'incarner quelque chose qui puisse les inspirer. Parce que ce qui leur est constamment bombardé, c'est un modèle donc multiculturel, LGBT, tolérance et ainsi de suite. Et à la maison, il faut proposer un autre modèle, mais qui est pas basé sur la coercition. Effectivement, là je vous rejoins tous les deux parfaitement. C'est plutôt basé sur le fait de les inspirer, de les faire sentir bien à la maison. Et la lecture, par exemple, c'est quelque chose qui peut être fait à plusieurs. C'est un moment qui peut être agréable, qui stimule énormément les enfants. J'ai lu un article récemment qui disait que la lecture permettait d'augmenter la qualité du français, le niveau de langue. Et il y a beaucoup d'enfants qui en bénéficieraient énormément s'ils passaient un peu plus de temps à lire avec leurs parents, et ils n'arriveraient pas avec un niveau catastrophique soit au lycée, soit en enseignement supérieur, comme on en parlait un peu plus tôt. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais parce que je l'ai vécu, hein, encore une fois, moi je suis pas parfait, mais j'ai pas été un père parfait, mais chaque soir, moi je lisais au moins 3/4 d'heure avec mes enfants. Je leur faisais l'histoire du soir, ou les histoires du soir, et on faisait énormément de jeux de société ensemble. Énormément, hein. Je leur ai appris, il y avait des tas de jeux de société, des tas de livres que j'achetais dans des magasins d'occasion, donc c'était vraiment pas cher, c'était pas grave. Eh bien, avec ça, on développe. Déjà, en effet, après, ils lisent tout seuls parce qu'ils voient que c'est super intéressant la lecture et ils vont pas vers les écrans, tout à fait naturellement. Et quand on leur apprend à faire des jeux, ils vont pas vers les écrans après parce qu'ils voient que les écrans, c'est des jeux, mais c'est des jeux mutilés en fait. Alors que le jeu de société, c'est beaucoup plus créateur. On jouait au Lego, par exemple, avec des cubes et on faisait des concours de choses. Un jour, même, on a fait une tour Eiffel, je vous mens pas, de 2 mètres de haut en Lego pendant 3 jours. C'était passionnant. Et avec ça, après, les enfants... Eh bien, ils se sentent bien, comme tu as dit, ils se sentent bien à la maison, ils se sentent en confiance, et ils ne vont pas aller vers les écrans. Alors, il y a forcément un moment où ils vont les découvrir, et ça va être, ah, c'est quoi? Mais si on leur explique en disant, tu vois, oui, tu peux y aller, mais tu verras, c'est rien par rapport à ce qu'on peut faire avec sa tête. Eh bien, ils vont le comprendre. Et c'était pareil pour les dessins animés. Moi, je leur avais dit, oui, oui, les dessins animés modernes, les personnages, ils sont difformes. Nous, on leur achetait que des vieux livres de contes. Et si on leur montrait des dessins animés, ce qu'on pouvait leur montrer, on leur montrait du genre Ulysse 31, des choses comme ça. Oui. Et je me rappelle qu'un jour, on est allé chez ma mère, il y avait la télé, et à un moment, ils ont regardé la télé, ils sont descendus à moi, j'ai dit, tu regardes plus? Et ils m'ont dit, oh ben non, c'était des dessins animés super moches. Et c'est là que j'ai dit, ah, on a réussi notre éducation. Tout seul, ils arrivent à voir que le dessin animé est moche, bête, par rapport à ce qu'on leur montre d'habitude. Donc, tu as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, et mon expérience, c'est pas, moi, c'est pas des trucs théoriques, c'est mon expérience de père de famille, j'avais 8 enfants quand même. Eh bien, je vois que ça marche bien. D'ailleurs, c'est à associer ça, parce que j'ai vu ça souvent. Il y a des gens qui demandent, ouais, mais du coup, alors par exemple, quel jeu jouer avec ses enfants, ça c'est un bon sujet aussi. Faudrait qu'on fasse une rubrique éducation aux enfants, en fait, pour élargir. Donc ça pourrait être avec les manuels, etc. Mais c'est ce que tu avais suggéré, Vincent. Mais on faudrait l'élargir, en fait. Donc quel jeu jouer avec les enfants? Alors quand ils grandissent, vous savez, il y a les jeux de rôle, tout ça. Enfin, c'est très très intéressant aussi. Et Bon, les pistes de réflexion sont ouvertes et on soumet ça à nos auditeurs. Il y a des jeux pour tous les âges, c'est fou tout ce qu'on peut trouver. Oui, bah, tout à fait, évidemment, absolument. Rubrique suivante, roulement de tambour, rubrique numéro 2, le sale juif de la semaine. Alors, c'est Jacques Attali, chers amis, mais à son corps défendant, je le reconnais. Encore que, je suis vraiment généreux là, mais bon, c'est pas lui qui est moteur dans l'histoire. Donc je vais vous lire cet article de 20 minutes, alors ça a défrayé la chronique, mais c'était un feu de paille, parce que les Juifs ont obtenu très très vite ce qu'ils recherchaient. Vous allez comprendre, mais vous savez, c'est cette ère démocratique où en fait, il y a une polémique par jour en fait, tout le monde s'enflamme, et surtout c'est considérablement intensifié par les réseaux sociaux, tout s'enflamme en 24 heures, et tout est soldé en 24 heures pratiquement, sauf... La polémique qui a duré le plus longtemps, là, de mémoire, hein, c'est celle sur le Stade de France qui, elle, a duré vraiment plusieurs semaines, vous savez, avec les violences commises par des immigrés contre les visiteurs, enfin, ceux qui voulaient assister à la finale de la Ligue des Champions. Mais hormis cela, les polémiques sont très courtes de nos jours. Et alors, donc Jacques Attali, alors de quoi s'agit-il? Je vous livre ça. Alors, après une vive polémique sur les réseaux sociaux, le président du Grand Avignon a annoncé que la fresque allait être masquée par un peintre. Alors oui, il y a une fresque à Avignon qui représente, qui est une espèce de caricature, c'est Jacques Attali qui incarne un marionnettiste. Alors c'est peint sur un pan de maison, en fait, sur un bord de route. C'est très bien fait d'ailleurs, c'est très bien réalisé d'ailleurs, je dois dire. Ils appellent ça l'art de rue, etc. Non, c'est de la peinture en fait, ce sont des peintres, hein, c'est tout. C'est parce qu'ils peintent en extérieur que ce n'est pas des peintres. Donc en fait, c'est un peintre qui a fait une fresque, et où on voit Jacques Attali, qui est le rôle du marionnettiste, un peu le Geppetto, et que Macron est le Pinocchio. C'est la marionnette, Macron. Donc en fait, Attali est celui qui manipule Macron. C'était ça la grande, une phrase assez grande, hein, très bien réalisée encore une fois, en bord de route, et qui n'avait jusqu'à présent suscité aucune espèce d'émoi, mais en fait, ça a changé très vite. Alors, donc c'est ça l'objet du délit, entre guillemets, dont parle 20 minutes. Alors, à Avignon, la caricature montrant Emmanuel Macron en Pinocchio tiré par des ficelles tenues par Jacques Attali va être retirée. L'annonce a été faite ce jeudi soir, ne riez pas, c'est 20 minutes, hein, c'est le journal 20 minutes, sur la chaîne I24 News. Alors, c'est quoi ça? Bah, c'est Israël 24 News, voilà, par le président du Grand Avignon, Joël Guin. Cette fresque avait été peinte récemment sur un grand mur, à proximité du parking relais des Italiens situé sur la rue de la Synagogue, ne riez pas, hein. Ce lieu est connu des street artists, donc c'est des artistes de rue, bon, pour ce que ça vaut comme appellation, qui décorent régulièrement le bâtiment de gestion d'eau en toute liberté. Alors oui, alors il faut savoir qu'en fait, la municipalité, alors ça c'est l'agglomération en fait, ils mettent à disposition ce pan de maison pour que les artistes se relaient et peignent... le pan de mur en fait, donc je sais pas combien de temps, donc ce sont des fresques éphémères en fait, et chaque artiste peut, je pense à intervalles plus ou moins réguliers, se livrer à sa création. Alors, je poursuis l'article. À 13h15, j'ai contacté le directeur général des services du Grand Avignon en lui demandant de prendre des mesures nécessaires pour effacer cette fresque, a assuré Joël Guin sur I24 News. Une entreprise de peinture a été par la suite mandatée par les autorités afin de retirer la fresque du bâtiment. Le peintre est passé ce soir pour voir le chantier qu'il a à faire et demain il se met en chantier. Il efface ce pan de mur où il y a Monsieur Attali, explique ce jeudi le président du Grand Avignon, assurant toutefois être dépassé par le remous de cette affaire. Sollicité par nos confrères de Marianne, l'agglomération du Grand Avignon avait précisé ce jeudi soir que le préfet du Vaucluse avait demandé avec insistance à ce que la fresque soit masquée. Donc là, c'est vraiment l'appareil d'État qui est effrayé, hein. Peu après 1h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'association Mémorial 98, un collectif de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les négationnismes, au pluriel d'ailleurs, a publié une photo de la fresque déjà recouverte partiellement de peinture bleue. Donc elle a été vandalisée, probablement d'ailleurs par les militants proches de cet organisme de terreur là. Ce vendredi matin, des peintres ont commencé à recouvrir le mur de la fresque de peinture blanche selon le Dauphiné. Le caractère antisémite dénoncé nous dit encore 20 minutes. Donc c'est le dessin de Lecto, donc l'artiste habitué des caricatures politiques controversées, avait été vivement dénoncé ce jeudi par des politiques ou des associations. Alors là oui, c'est un florilège que je vous lis tout de suite. L'interprétation de cette fresque laisse peu de doute. La figure du banquier juif manipulant ses marionnettes est une représentation récurrente des antisémites, a par exemple écrit sur son compte Twitter Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et qui est d'origine vietnamienne, pour ceux qui ne le sauraient pas. Triste France, Cirence, avec son fond d'antisémitisme qui doit être condamné sans réserve. Nos silences sont complices. Nos lâchetés nourrissent cet épouvantable venin. À tous ceux qui trouvent cela insupportable, soyons à la hauteur face à cette haine qui porte en elle l'abîme, a tweeté de son côté Michael Delafosse, maire socialiste de Montpellier. Plusieurs associations et organisations, dont l'American Jewish Committee, donc le comité juif américain qui exerce en France et qui lutte, je cite encore, contre l'antisémitisme, avait appelé rapidement au retrait de cette fresque. Alors, ce n'est pas tout. Donc oui, la question qui se pose, c'est en quoi la fresque est antisémite ? Parce que en fait, c'est une caricature de Jacques Attali, qu'on présente en fait en maître des actes, voire de la pensée de Macron, mais c'est tout. Il n'y a pas de référence au judaïsme, il n'y a pas de... D'ailleurs, la représentation de Jacques Attali est une représentation réaliste, d'accord ? C'est quasi photographique. Il n'y a pas de traits difformes caricaturales des Juifs. Vous avez un gros nez, des grandes oreilles, des doigts crochus, rien de tout ça, hein, d'accord ? C'est une représentation assez réaliste de Jacques Attali, simplement en marionnettiste, hein, donc c'est tout. Et la question tourne autour de est-ce que c'est antisémite ou pas ? Alors, oui, répondent de manière très violente les organisations juives, et avec elles, en fait, toutes les élites françaises, c'est très révélateur, donc parmi les juifs, je vais en citer quelques-uns sur Twitter, c'est lui qui a découvert ça, hein, c'est Philippe Meyer, alors lui, c'est le patron du Naybrit France. Donc, alors, le Naybrit, si vous ne connaissez pas, donc les Fils de l'Alliance, d'accord ? Maçonnerie juive interdite aux non-juifs. Donc c'est une organisation maçonnique raciste. D'accord ? Vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas appartenir au B'nai B'rith, hein. Donc vous en ferez ce que vous voudrez. Alors Philippe Meyer nous dit ceci, vu à Avignon. Donc là il met la photo sur un mur très exposé, aux abords d'un parking public. Un message au Roland nauséabond qui en rappelle d'autres et qui doit être effacé au plus vite. Et là il tague, donc en fait il signale le contenu au préfet, qui s'est précipité ensuite pour demander la suppression qui a été suivie des faits. Ariel Goldman, Fonds social juif unifié, l'antisémitisme, c'est ça. Donc, mettant en lien la photo, c'est un délit et non une opinion. Donc, il nous dit deux choses. D'abord, c'est une fresque antisémite. D'accord ? Et ensuite, c'est un délit, ce n'est pas une opinion. Donc, une fresque n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Pas plus d'éléments, mais il faut s'en satisfaire. Et alors, effectivement, on voyait sur Israël 24 des débats très enflammés, alors que la France ne s'en souciait pas, sur cette fresque, avec vraiment des colères. Et alors, donc, on avait, c'est effectivement en direct sur Israël 24 que Joël Guin, qui est vraiment le patron de l'agglomération, qui s'est présenté, qui a dit oui, on va l'effacer très très vite. Très très vite. Alors, il dit ceci qui est fascinant. il dit, donc ça c'est Joël Guin, donc le président de l'agglomération du Grand Avignon, qui dit aussi, je trouve cette fresque dérangeante car elle nourrit le Rassemblement National. Jacques Attali a tous les droits d'attaquer cet artiste. Donc nous sommes dans une ville socialiste, je précise. Hein. Avignon est une ville socialiste qui met à disposition un pan de mur pour ce qu'ils appellent les street artistes, les artistes de rue, pour faire du, pour graffer, donc pour faire de la peinture de rue, si vous voulez. Et donc il y a cet artiste-là qui a fait cette fresque. Mais nulle part on ne voit la trace d'un représentant du Rassemblement National, du parti de Marine Le Pen. Nulle part. Hein. Ce n'est pas une ville RN du tout. Mais le réflexe du patron politique de la grande agglomération d'Avignon, c'est de dire « ça fait le jeu du Rassemblement National ». Sans plus d'explication. Et enfin, l'American Jewish Committee, qui a été cité dans l'article de 20 minutes, « la liberté d'expression », nous dit donc le comité juif américain qui apparemment est chargé de gendarmer la liberté d'expression en France, n'est pas la liberté de diffuser de vieux poncifs antisémites. Et là, il y a une photo de cette fresque, et par la suite, l'American Jewish Committee, donc l'AJC, a demandé sa censure. Alors, précisons quand même, alors d'abord, c'est une organisation américaine, sur fond américain, qui opère en France, et qu'aux États-Unis, cette fresque ne pourrait pas être effacée. Donc c'est quand même intéressant de voir que des organisations juives américaines s'autorisent en France ce qu'elle ne pourrait pas faire aux États-Unis. Personne ne le relève, évidemment, puisque tous les médias sont alignés sur la parole juive de la même manière que les hommes politiques. Mais moi, ce que j'ai remarqué, et je donne la parole ensuite à nos intervenants, dans les commentaires, c'était un torrent de contestation sur le compte Twitter de l'AJC, sur les comptes Twitter juifs en général, sur les médias, les gens demandant, donc les Français demandant, mais qu'y a-t-il de spécifiquement antisémite dans cette fresque ? Parce que c'est ça le fond de la question. Alors oui, on peut se dire qu'elle peut être antisémite. Mais il n'y a pas de message spécifiquement antisémite. Donc ça se trouve, le graffeur en question ne fait qu'accuser Jacques Attali d'être un manipulateur. Point barre. Parce que Jacques Attali a fait Macron. C'est une réalité purement factuelle. Ce n'est pas de l'ordre du complotisme, comme on dit aujourd'hui. Hein. Dans la commission Attali qui a lancé Macron en politique, c'est Attali qui a choisi Macron. Donc c'est lui qui a été son parrain en politique, en sa qualité de haut fonctionnaire français, la qualité de haut fonctionnaire français de Jacques Attali. Donc c'est indubitable que Macron a été fait par Attali. Donc ce que nous disent toutes ces organisations juives, c'est que apparemment, on ne peut pas caricaturer une personne d'origine juive pour des raisons exclusivement raciales. Voilà, c'est tout. C'est tout. On ne peut pas caricaturer un juif. On ne peut pas moquer son engagement politique. On ne peut pas, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Voilà, non, vous ne pouvez pas caricaturer des juifs. Voilà, ils sont juifs, ils sont intouchables. L'impunité raciale, voilà, le privilège racial, hein, on dit qu'il y a souvent un privilège blanc. Ben non, en France, il y a un privilège juif. Et c'est ce que nous explique l'AJC, c'est ce que nous explique Ariel Goldman, c'est ce que nous explique le Nightbreed. Et c'est prouvé par l'action du préfet, c'est prouvé par le gouvernement, c'est prouvé par la rapidité avec laquelle se couche le maire d'Avignon et ensuite le responsable du Grand Avignon en effaçant en urgence la fresque. Ils disent oui, effectivement, les juifs protestent, on efface. Voilà. Pourquoi ? Ah ben, on ne peut pas caricaturer un juif. Alors maintenant, je vous donne la parole, j'étais très long, mais il fallait bien expliquer tout ça à nos auditeurs. Soit Vincent, soit Jean, je ne sais pas lequel de vous veut prendre d'abord la parole. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant comme événement parce que ça révèle énormément de choses sur la manière dont les Juifs conçoivent l'antisémitisme. C'est-à-dire que il est interdit, sous peine de se faire accuser d'antisémitisme, de dire qu'un Juif a du pouvoir. C'est-à-dire que le fait simple de dire tel Juif a du pouvoir sur telle autre personne ou sur la société, c'est du complotisme, c'est rance, c'est le florilège qu'on a pu lire. Donc en fait, on arrive dans cette situation paradoxale, disons, où ils ont tous les pouvoirs en France, mais il est interdit de dire qu'ils ont le pouvoir. Donc déjà, à partir de là, donc, on peut pas critiquer ce qui se passe, on peut pas critiquer l'action politique, puisque on n'est même pas capable de dire qui a le pouvoir et qui décide de quoi que ce soit. Donc c'est d'ailleurs pareil aux États-Unis. t'as fait remarquer que bon, ça aurait été protégé par le deuxième amendement de la Constitution américaine. Enfin, cela dit, ça leur empêche pas aux États-Unis de se s'essuyer les pieds sur le deuxième amendement et de censurer ou de bannir. Ils trouvent des moyens, notamment c'est ce qui était arrivé au Daily Stormer de Andrew Anglin. Ils lui ont volé ses noms de domaine. Ils ont réussi à le faire plus ou moins disparaître d'Internet de manière totalement illégale vis-à-vis de la Constitution, et ça les dérange pas. Ils se cachent derrière l'excuse, oui, mais les entreprises privées ont le droit d'héberger, pas héberger, etc. Donc, c'est aux États-Unis, c'est très marrant parce que deux méthodologies différentes aux États-Unis et en France. En France, ils contrôlent l'État, donc ils utilisent les pouvoirs publics. Comme on a vu, hein, le préfet intervient, il fait effacer la fresque, ou l'homme politique en place fait effacer, etc. Aux États-Unis, constitutionnellement, ils n'ont pas le droit de contraindre l'État fédéral, enfin, sauf dans certains cas, mais ils n'ont pas le droit de faire plier les autorités en disant, voilà, faites censurer ce contenu. Mais là, ils passent par les entreprises privées. Sous-entendu, voilà, est-ce que vous voulez protéger ceci, ça ? Et là, ils disent, bah non, voilà, hors de question, etc. Et donc, les entreprises se mettent d'elles-mêmes à devenir militantes sous la pression juive. Donc, c'est marrant, c'est les deux aspects de la censure juive ou de l'activisme juif par le pan public en France ou par le pan privé aux États-Unis. Très intéressant. Mais oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, aux États-Unis, la censure existe absolument. Elle est très puissante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, les juifs n'ont pas tellement à faire semblant et ils peuvent sommer l'État de faire leur volonté et l'État s'exécute. En très peu de temps, puisque là, la fresque a été supprimée en 12 heures. Même pas en 24, en 12 heures. Voilà. Ils disent I-24 News, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait I-24, c'est-à-dire que c'est en 24 heures, la volonté des juifs est faite en France. En gros, c'est ça. Mais t'as tout à fait raison. On ne peut pas nommer. J'ai dit 23 heures, c'est 23 heures de trop. Hein. Bah oui, d'ailleurs, la loi Avia, c'était ça. C'est-à-dire qu'en une heure, un contenu antisémite devait être sucré. C'était ça l'esprit de la loi Avia qui avait été retoqué, mais simplement pour des raisons, vous en faites pas, ils vont revenir à la charge. Mais ce que t'as dit par ailleurs, Jean, c'est très très vrai, quoi. C'est voilà, on ne peut pas nommer les choses. Et c'est ce que j'avais dit dans plusieurs émissions et dans le passé, c'est on doit voir la puissance juive, on ne doit pas pouvoir la nommer. Et les juifs sont pas du tout avares de démonstration de pouvoir. Au contraire, ils se mettent en avant. Le CRIF, le dîner du CRIF, en est un exemple flagrant. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au dîner du CRIF, c'est le président de la République qui est accueilli. Pas l'inverse. C'est pas le président de la République qui accueille le CRIF. C'est l'inverse. Donc, on voit, parce que surtout dans la tradition orientale, si vous ne le savez pas, c'est celui qui fait rentrer chez lui quelqu'un qui est le maître des lieux. Hein ? Ça, c'est des codes que les Aryens ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent les populations orientales les connaissent. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais rentrer en premier dans une mission d'un oriental. Vous êtes celui qui se soumet à la volonté de l'intéressé. Ne jamais faire ça. Donc, avec ces populations sémitiques. Donc non, ils ne sont pas avares de démonstration de pouvoir, mais il ne faut pas le dire. Très révélateur, le voir, mais pas le dire. Et là, on a un problème. Donc c'est ça, comme tu dis, la définition d'antisémitisme telle que le conçoivent les juifs, c'est-à-dire que, dans les faits, est-ce qu'Attali est le parent politique de Macron ? Oui. Oui, c'est très documenté. Ça. Mais ce qu'impliquent ces réactions, c'est que même le dire aujourd'hui serait antisémite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la question, c'est pas de savoir si telle ou telle personne a un rôle, mais si elle est juive, on ne peut pas parler de son rôle en politique. Voilà, c'est interdit. Donc c'est l'impunité raciale, c'est ce que nous disent ces gens-là. Et en fait, bah, c'est l'aveu, par l'absurde. C'était comme le qui était brandi dans les manifestations. Qui contrôle la France ? Vous savez, les gens, ils avaient juste des panneaux qui. Rien de plus. Pas de référence aux juifs ou quoi que ce soit. Qui contrôle la France ? Et là, toutes les associations juives montent au créneau. Il faut le faire condamner. Oui, c'est celui qui s'en visait, qui réagit, qui fait condamner, et qui, par l'absurde, démontre que les juifs contrôlent la société française. Voilà. Bon, mais c'est marrant à quel point ces gens se vendent. Et aussi, et ça c'est l'élément que je voulais souligner, et je donne ensuite la parole à Vincent, tout aussi manifeste que soit ce pouvoir juif, et tout aussi soucieux de la démonstration de force auxquels tiennent les juifs, en démontrant que les pouvoirs publics sont à leur botte. avec la, parce qu'il compte les minutes, vous savez, de voir combien de temps vont mettre les autorités françaises à réagir à leur sommation. Paradoxalement, une caricature suffit à faire trembler le pouvoir juif sur ses bases. C'est vous montrer la précarité du pouvoir juif. Donc qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que s'il y a un nombre suffisant de goyim assez courageux pour dénoncer le pouvoir juif, et quand les juifs contre-attaquent, les goyim ne cèdent pas le terrain, mais redoublent leur effort, les juifs s'effondreront sur eux-mêmes. Tout est au bluff avec les juifs. Ils miment la force alors qu'ils sont en sous-nombre chronique. Et ils miment la force, intimident par leur hurlement et convainquent les autorités qu'ils sont tout-puissants. Mais c'est du bluff. C'est la grenouille qui essaye de se faire plus grosse que le bœuf. Et ça marche. 99% du temps, ça marche. Les gens croient. Ils les voient hurler. Ils voient qu'un préfet réagit. Oh, ils sont extraordinairement puissants. Non, c'est du bluff. Et le jour où on répond à leur bluff et on leur dit « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on ne bougera pas. » Le juif terrorisé s'enfuit. C'est ça la vérité éternelle face aux juifs. Voilà. Donc, ouais, donc une caricature. C'est pour ça que les gens ne pourraient pas comprendre. Mais pourquoi ils sont aussi excités pour une caricature? Mais c'est ça, c'est justement ça. C'est que ces gens-là essayent de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, notamment leur omnipotence. Ils ne sont pas omnipotents. Et le jour où les gens comprendront qu'ils ne sont pas omnipotents, ça sera la fin de la tyrannie juive. Voilà. Voilà, moi, ce que j'ai à en dire. Je donne la parole maintenant à Vincent. Ah bah, peut-être que Jean veut rajouter des choses. Hein, aussi, tout à fait, oui, bien sûr. Non. Ah bon? Bon, bah alors. Bah moi, ce que j'ai à dire sur cette affaire, c'est que par rapport déjà à l'American Jewish Committee, qui en effet agit en France alors qu'en Amérique, il ne pourrait pas, eh bien, on a le précédent de Julius Streicher, hein, qui a été pendu à Nuremberg pour son hebdomadaire antisémite Der Stürmer. Moi qui ai consulté les archives de Nuremberg, mais les archives non publiées, à un moment, il y a une lettre où il y a un juge qui dit, mais Streicher en Amérique, il pourrait même pas être poursuivi, parce que ça relève de la liberté d'expression, son journal, son hebdomadaire. Donc, le cas, son dossier est très faible. Qu'est-ce qu'on peut dire contre lui? Et il le dit, c'est carrément odieux. Il dit, il faudrait trouver des actes de violence qu'il a fait. Il faut impérativement appeler des témoins qui diront qu'il les a maltraités pour qu'on puisse le condamner. Mais ils n'ont pas trouvé de témoins comme ça. Alors, ils sont passés par un autre biais pour le condamner à mort. Mais je dirais que Streicher, c'est vraiment le premier où, voilà, un homme qui aurait dû bénéficier de la liberté d'expression, on dit, non, tant pis, en Amérique, il aurait pu, mais pas ici. Et pourquoi ne l'a-t-on pendu? Parce que, sur l'antisémitisme, on sait où ça a mené. En fait, c'est pareil. Les mots mènent à l'action, c'est ça qu'ils disent. Voilà. Exactement. Et pourquoi est-ce que les autorités, tout de suite, dès qu'il y a la moindre plainte d'associations juives, en disant c'est antisémite, ça rappelle les messages les plus sombres, les heures les plus sombres, tout de suite, il y a on sait où ça a mené, et donc tout le monde se précipite, voilà, non pas en 24 heures, mais c'est chrono en main, hein. Je veux dire, chaque seconde, tu perds des points, hein. Dire, c'est pas bon, ça. T'as pas réagi assez vite. Il faut d'ailleurs, il y a une, excuse-moi de te couper, mais il y a Memorial 98 qui sont spécialisés de ça. Je sais pas si t'as eu affaire à eux. Peut-être que oui, peut-être que non. Non. Pas à eux, mais en tout cas, t'as peut-être écrit quelque chose là-dessus. Mais alors, eux, c'est spécialisé de ça. Et alors, eux, leur grand leitmotiv, c'est de dire, ah oui, non, mais les mots précèdent l'action. C'est-à-dire que si t'as une opinion, elle va forcément se traduire en acte de violence et on ne peut pas l'opinion est insécable de l'action, d'accord? C'est ça. Alors bon, ça paraît quand même intellectuellement assez. Alors ce qui est absolument rejeté par le droit américain, le droit américain rejette radicalement cette association logique. Mais de leur point de vue, c'est ça. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. T'as vu, ça revient constamment. Mais ça, c'est insupportable. Mais c'est vraiment la logique terroriste de ces sémites, quoi. Ils disent. Mais c'est constamment, c'est pas spécifiquement sur ce cas-là, mais ils disent, oui, non mais l'antisémitisme, c'est vrai pour tout quoi, l'homophobie ou tout ce que vous voulez, qui sont calqués d'ailleurs sur l'antisémitisme, hein, je veux dire, quand vous voyez des militants LGBT ou des noirs, hein, ils ne font que copier-coller la rhétorique des organisations juives. Ils disent, non mais c'est pas une opinion, c'est un délit. Oui, parce que ça mène au meurtre. Ça mène au meurtre. L'histoire nous l'enseigne. Et c'est ça qu'il paralyse tout. Oui, j'ai bien compris qu'ils veulent empêcher toute délibération et tout exercice critique intellectuelle sur les questions qui concernent les Juifs. Donc ils demandent l'impunité, c'est ce qu'ils disent, et pour des raisons purement raciales. C'est-à-dire qu'Attali a-t-il fait... C'est pas la question, Attali est d'origine juive, c'est eux qui le disent d'ailleurs, hein, je veux dire, parce qu'il y a des tas de Français, mais croyez-le pas, il y a des tas de Français qui ne savent pas que Jacques Attali est juif. Tout à fait, il y a plein de gens qui n'auraient pas vu, ma mère en premier. Ah oui, ils savent pas. C'est... Évidemment, dans nos milieux, on le sait, et pas que dans nos milieux, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de gens qui le savent maintenant. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens en France, de bons Français, voilà, mais qui sont aveugles aux questions raciales, ethniques, je ne parle même pas de la question juive, qui sont incapables, si vous voulez, de distinguer. Ils disent « Attali, oui, quoi, c'est un Italien, ça, non ?» Vous voyez, Et oui, tu as tout à fait raison, il n'y avait aucune étoile juive, aucun caractère juif, comme tu as dit, donc c'était vraiment... Il est très bien représenté. Moi, d'ailleurs, je trouve que cet artiste a beaucoup de talent. On peut aimer ou pas aimer, mais c'est différent. Mais... absolument rien d'antisémite. Un dessin aurait été antisémite, tu aurais eu une étoile, un drapeau israélien. Il n'y avait rien de tout ça. Vraiment, on est dans l'hystérie pure. Ben, on accuse Attali comme homme de pouvoir, homme d'influence, qui doit quand même depuis 40 ans à une activité dans les sphères dirigeantes françaises. Enfin, je veux dire, bon, ça ne souffre pas la contestation. Et voilà, c'est une accusation qui est portée contre lui, mais bon, elle me paraît quand même assez étayée, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais l'angle d'attaque n'est pas sa judaïté, c'est clair, c'est pas sa judaïté. Absolument pas sur cette fresque en tout cas. Alors, les gens vont dire que. Ah bah oui, mais non, mais ça débat. Ah oui, non, mais là, c'est des spéculations. C'est des spéculations. Là, vous prêtez aux gens des conclusions qu'ils n'ont pas formulé nulle part, ni par écrit, ni en public. C'est possible, c'est même certain que certains vont arriver à cette conclusion, avoir des conclusions à caractère antisémite, en disant, bah oui, bah forcément, Attali est un juif. Mais pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je connais des tas de gens qui considèrent Attali comme une force nuisible, mais qui ne sont pas du tout antisémites. Je veux dire, dont le fond de la charge contre Attali n'a rien à voir avec la... Ce qui me désole, d'ailleurs, personnellement, je le dis, hein, ça, je me dis, bah, je sais pas comment ils font, ils reprochent à Attali son rôle délétère, mais ils n'arrivent pas à comprendre les motivations profondes de gens comme Jacques Attali. Alors je me dis, bon, c'est une espèce de critique superficielle, ou qui se limite à un individu, vous voyez. Donc comme quoi, on peut avoir deux lectures d'une même caricature, c'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais trouver que cette caricature ou cette fresque est bien réalisée, bien exécutée, mais qu'elle manque cruellement de la dimension juive du problème. Je pourrais dire, bah, c'est quand même dommage de ne pas avoir, quelque part, mis un signe qui rappelle la judaïté de Jacques Attali. Voilà, bon. Tu en ferais un délit, quoi. Vous n'avez pas assez insisté sur le côté antisémite. Oui, c'est ça. Mais pas dans ta société, le mec passera en procès pour absence. Je ne ferai pas passer cet artiste en procès. Mais je veux dire, je pourrais me dire, ah, bon, c'est bien gentil de dire à Attali, mais enfin, ça manque un peu d'épaisseur critique. Hein. Il y a un cadre plus général. Eh ben, vous voyez, les Juifs ont la lecture inverse. Bon, alors, bah, il faut s'en tenir aux représentations en tant que telles. Et là, en fait, on prête des intentions. Et c'est ça le problème, justement, de la législation en vigueur antiraciste, c'est que le juge, à force de déformer le droit français, hein, je veux dire, a le pouvoir d'interpréter les intentions de quelqu'un. Et ça, les Français ne le savent pas, parce que les Français connaissent rien à leur propre droit. Attention, puis ça va plus loin. Non seulement il a le droit, mais il n'est même pas obligé maintenant, comme avait souligné Maître Delcroix avec raison, parce qu'il peut dire que ton discours est susceptible d'éveiller chez d'autres. C'est-à-dire très bien dire, écoutez, moi j'estime que dans les prisons, il y a 80% d'immigrés. Ah, vous voulez dire quoi par là? Ben, je vais dire qu'il y a 80% d'immigrés. Non, moi je suis pas anti-immigré du tout, mais je le dis parce que, ah ouais, mais chez les gens, ça va susciter chez eux. Et vous allez être condamné parce que votre propos est susceptible de susciter chez monsieur X ou Y. On arrive à une situation complètement délirante. Et ça, Maître Delcroix l'avait bien souligné. Oui, dans son livre, Le théâtre de Satan. Hein. Oui, c'est ça. Puis il y a eu la francophobie et le théâtre de Satan, exactement. Ouais, donc je recommande vivement la lecture du théâtre de Satan. Je pense qu'on peut le trouver en PDF d'ailleurs. Bon. C'est bien d'acheter les livres et de comment dirais-je, de verser son obol à qui le mérite, et Maître Delcroix le mérite. Enfin, bon, pour ceux qui sont fauchés, désargentés, voilà, vous avez des versions qui existent en PDF. Je ne crois pas que Maître Delcroix s'en plaigne, franchement. Non, je ne crois pas. Je crois, je crois qu'il est très, il serait très content que c'est vu, qu'ils sont d'ailleurs très charpentés, hein, très charpentés. Ah oui, oui, oui, magnifique, très, magnifique. Très très solide. Hein. Et comme il disait, il déplorait, il dit oui, mais le problème de ma critique à moi aujourd'hui, du point de vue du droit, il disait. Hein, donc c'est, je connais pas là, bon, c'est quelqu'un qui a pris sa retraite il y a un certain moment. Non, il disait, mais le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je mets ces éléments de culture du droit, il dit d'ailleurs, en fait, moi j'expose mon raisonnement intellectuel à des professionnels du droit, je vois la rupture générationnelle. Il dit, oui, voilà, en fait, des gens qui ont été formés, des gens de ma génération qui ont appris le droit dur en ma génération comprennent mes arguments. Ils peuvent être en désaccord, mais ils les conceptualisent. Il dit, je vais aujourd'hui face à des gens qui sortent des écoles de droit, ils ne peuvent même plus intellectuellement appréhender ce que je suis en train d'exposer. Ils ne comprennent pas ce que je dis, ce que je suis en train d'expliquer. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les catégories que je mobilise, etc. Ils ne comprennent plus rien du droit. Voilà. Il y a eu un tel sabotage qu'on considère aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que le droit est devenu un droit assez blasphème. Voilà, c'est en fait, c'est voilà. Les gens qui font du droit aujourd'hui ne comprennent plus ce genre de principe. C'est notamment un des éléments cardinaux que met en avant Maître Delcroix, c'est le fait que l'expression d'une opinion n'est pas une action. Exactement. Voilà. Et ils ont réussi à dire que c'est une action. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée avec Maître Delcroix, qui montre à quel point la justice française, dans ses affaires d'expression, d'opinion, est complètement folle. Dans mon affaire sur Oradour, juste après le procès, quand Maître Delcroix avait déposé ses conclusions, il a réclamé au tribunal, c'était un jour après, il a réclamé au tribunal des pièces. Et par erreur, le greffier ou la secrétaire a renvoyé ses propres conclusions. Donc, les juges n'avaient plus les conclusions de mon avocat. Mais ils ont quand même rendu leur jugement. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris connaissance. Ah ouais, d'accord. Et Maître Delcroix, en appel, a brandi ses conclusions en disant « Messieurs les juges, je vous signale que les gens de première instance n'avaient plus ces conclusions, on me les a renvoyées par erreur. Mais ils ont quand même rendu un jugement contre mon client. » Alors, ça avait été extraordinaire. Ça avait été un moment jouissif, hein, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit alors quand ils ont constaté qu'ils prenaient des décisions sans même prendre connaissance en fait des arguments de la défense? Ben c'était les juges d'appel, donc eux ont dit bah oui mais nous non mais nous on va bien voir vos conclusions, ce qu'ils n'ont pas fait du tout puisqu'ils ont doublé ma peine avant que la Cour de cassation fasse tout. Mais c'est incroyable, c'était vraiment jouissif, hein. C'est pour ça que les gens qui disent je fais confiance en la justice. De mon je rigole, soit vous êtes naïf, soit vous jouez à un jeu. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. Alors monsieur, je vous pose, vas-y Jean, bien sûr, avec plaisir. Non, je voulais simplement abonder dans le sens du blasphème et surtout de l'aspect religieux, c'est-à-dire que c'est une religion qui a été inventée après la Seconde Guerre mondiale et qui s'est en fait sédimentée dans les années 60 et qui grossit de plus en plus. Et là, en fait, comme on s'attaque au cœur nucléaire de cette religion qui aujourd'hui a trait aux transsexuels, à tout un tas d'autres sujets connexes, mais là comme on s'attaque vraiment au centre, immédiatement ils sont hypersensibles et la réaction ne se fait pas attendre. Donc en fait c'est vraiment un processus religieux, et ils veulent nous rappeler, c'est le clergé qui nous rappelle, non, là stop, blasphème. On arrête tout de suite. Exactement. J'avais fait toute une analyse de la Shoah avec tout ce qu'il y a d'aspect religieux. C'est vraiment entièrement une contre-religion. Hein. Voilà, j'irai pas plus loin. Non, oui, mais c'est manifeste. Et donc, il y a beaucoup de Français qui ne creusent pas à ce niveau, mais qui se disent, mais je comprends pas. Je veux dire, d'abord, pourquoi cette surréaction des autorités? Pourquoi la précipitation? Et c'est d'autant plus criant que au quotidien, en France, aujourd'hui, sur des sujets où les questions de la vie de gens, parce que, par exemple, quand vous avez des agressions très violentes, généralement commises par des immigrés, hein, bon, c'est ça, au coin de la rue, etc., on voit le laxisme judiciaire, vous savez, on voit d'abord, enfin, les types ont deux OQTF, c'est-à-dire qu'ils auraient dû être virés de France depuis des années, ils sont là, enfin, ça, c'est quotidien, maintenant, hein. Et je voyais encore un Somalien qui a violé une jeune fille, etc., qui était sous le coup d'une expulsion. Enfin, ça n'est que ça. Donc, les gens, quotidiennement, dans la presse régionale, ils ont que des exemples comme ça de gens, enfin, donc, généralement de gens immigrés en situation régulière, qui auraient dû expulser, d'abord parce qu'ils sont des immigrés clandestins, deuxièmement parce qu'ils se sont fait connaître défavorablement des autorités françaises, qui en agressant, qui en volant, qui parfois en tuant ou en violant, et qui ne sont pas chassés, voilà. Et alors là, il y a des tas d'explications, c'est-à-dire oui, mais vous comprenez les droits de l'homme, machin, etc. Et là, donc il y a des tas d'excuses pour ne rien faire, voilà. Donc les tribunaux, les autorités, oui, mais voilà, les droits fondamentaux, et ta. Bon, d'accord, ok. Et là, une fresque, le gouvernement se mobilise, en 12 heures, tout est effacé. Et là, les gens, enfin, et là, il y a, même chez les Français, les plus endormis, c'est ce qu'on lit dans leurs propos sur Internet, même chez les Français les plus endormis, ils disent, mais attendez, c'est quand même étonnant, cet état sclérosé, qui ne bouge plus sur rien, qui est apathique, même devant les cas les plus insoutenables de crimes, tout d'un coup, réagit au quart de tour pour un dessin. Et si vous voulez, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Les gens, qu'est-ce qui se passe exactement, vous voyez? Même des gens qui ne sont pas du tout de nos milieux, ils disent, regardez, d'un côté, il y a un État engourdi, et de l'autre, il y a un État qui est surréactif, qui est surmobilisé, une efficacité dans la réponse qui est sidérante, vous voyez. Je crois que beaucoup n'arrivent pas encore à établir le lien. Bah oui, s'il y a une surréactivité d'un côté et que s'il y a un engourdissement de l'autre, c'est que les deux sont liés. Hein, voilà, si vous avez une influence juive sur votre société, quand il s'agira de défendre les autochtones, il n'y aura plus personne. Voilà, c'est-à-dire que plus on protège les juifs, moins on protège les autochtones. C'est parfaitement lié, c'est le principe même qui gouverne le sémitisme. Voilà, le sémitisme est entièrement tourné contre les populations autochtones. Voilà, ne cherchez pas plus loin. En tout cas, ça c'est ma conclusion. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, on fait une pause musicale et ensuite on passe au sujet suivant. Eh ben, on se retrouve tout de suite. Vikingånda fregdar då de begär denne sången Ut av stord har detta hänt och Håkon han var kongen Kongen satt i Holmogar och hade icke många män Stint så lika viljene ut med Holmastränden Ser då kongen sende man Med ei ystebåar Mange skip med stripe segla Inna fjord ei roar Kjøtt så samlast kongens menn For ufred ikkje dølges kan Kongen spør kven råd kan gje Fly elvertas legne Svara dein i kongens sirdan Tor all sterkest domsson Stor det og fly for urettvise valsmenn Kongen veit at vi har vunnet og dover maktig før Svara då den heile herden even gå med kongen Tok då alle brynje på kongens sverde værnbit Hylka reisek skjolde under håpens merke Og takk folket på deg, kom deg, var et hånd som seks mot ein. I hjelm og sverd og sol i skjein, som havet sine bølger. I brotten av deg, og takk smenn for vikinga i vins greiene. Og takk folket, jeg kan hake imot håkens merke. Ropa høgt han, nei, venn, jeg nordmann, kongen, finna vel. Seg han redd, vem kan säga till han? Hon över kongens män, hon som kroppens styrke i arme föll från kongens sköld. När man för en märke sa håll du fram som du ger om du når man kongen din av en. Svingar Håkon Kärnvik i Torals värde fel brej. Den vart då väldigt vass med manne fall i store Håkon och hans män dig låst vid denna avgjorde. Även bär särka i försvärde kvärn vid nakt på valden ner. Hån då fryktig och tack folke flytte ut ur Bon, voici pour la deuxième et dernière partie de Démocratie participative, saison numéro 7, épisode 21. Alors, c'est un développement récent, hein, c'est l'annonce par la Cour suprême de l'annulation, alors non pas du droit à l'avortement, parce que là il faudra pouvoir le. Il faut y revenir, hein, mais l'annonce par la Cour suprême du. Comment dirais-je, du fait que les États sont libres de déterminer leur législation sur la question de l'avortement, ce qui est différent, donc à chaque État de décider, a suscité une vague de réactions absolument hystérique en France, c'est rien de le dire, donc je ne parle pas aux États-Unis, bien sûr, mais en France, complètement sidérant, ça traduit beaucoup de choses, il faut y revenir. Mais commençons par le commencement avec une synthèse des faits. Je pense que nos auditeurs en ont entendu parler, mais ils ont dû voir les spasmes médiatiques ces derniers jours. Donc il faut y revenir. Encore une fois 20 minutes, hein, qui synthétise bien la pensée dominante et la synthèse de ce qui se dit. Alors ce coup de tonnerre était attendu, mais il ne laisse pas moins l'Amérique sous le choc, nous dit 20 minutes. Ce vendredi, la Cour suprême a ramené les États-Unis 50 ans en arrière, ah bon, en annulant l'arrêt Roe vs. Wade, qui avait garanti le droit à l'avortement dans tout le pays. Désormais, chaque État américain sera libre d'autoriser ou d'interdire l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire l'avortement, comme c'était le cas avant 1973. Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré que cette décision était une erreur tragique et le résultat d'une idéologie extrémiste. On se demande aujourd'hui ce qui n'est pas extrémiste pour la doxa, hein. La santé et la vie des femmes de ce pays sont maintenant en danger, a martelé le démocrate dans une allocution solennelle dans la foulée de l'arrêt historique, déplorant un triste jour pour l'Amérique qui fait figure d'exception dans le monde. Alors non, pas du tout, c'est pas une exception dans le monde. Une décision de la Cour suprême également dénoncée par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui accuse la Cour suprême d'avoir, je cite, « attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines ». La principale organisation de planning familial promet de son côté de continuer à se battre. Alors le planning familial, ça aussi, c'est un terme bizarre. Donc en fait, c'est la promotion de l'avortement, hein, la promotion et mise en œuvre de l'avortement, hein. Donc ça n'a rien de familial, en fait. A contrario, l'ancien vice-président républicain des États-Unis, Mike Pence, que j'apprécie personnellement, qui fut le bras droit de Donald Trump à la Maison-Blanche, s'est réjoui que le droit à l'avortement soit jeté aux oubliettes de l'histoire. Pour l'ancien président des États-Unis du camp républicain, il s'agit tout bonnement de la volonté de Dieu. Cette décision va avoir des conséquences majeures et immédiates. Au total, 13 États américains conservateurs, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Dakota du Nord et du Sud, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah et Wyoming, avaient adopté des trigger laws, des lois automatiques leur permettant de rendre tout avortement illégal dès la décision annoncée ou dans les 30 jours suivants par la Cour suprême, avec comme seule exception prévue un risque pour la santé de la mère et pour une poignée en cas de viol ou d'inceste. Une douzaine d'autres États devraient suivre avec une interdiction pure et simple ou un délai légal réduit à la viabilité du fœtus, environ 22 semaines. Donc 22 semaines à 6 ou 8 semaines. Au total, l'avortement devrait être interdit ou extrêmement limité dans plus de la moitié des 50 États américains. Dans certaines villes du sud des États-Unis, les femmes souhaitant interrompre une grossesse pourraient donc avorté, hein, parlons français, devoir parcourir plus de 1000 km pour se rendre dans la clinique d'un état voisin où l'interruption volontaire de grossesse est légale. Les premières pénalisées seraient les classes les plus pauvres dans lesquelles on trouve une part disproportionnée de femmes de couleur. Alors, on va y revenir sur tout ça, hein. Estime Michelle Bratcher Goodwin, professeur de droit à l'Université de Californie d'Irvine, auteur de La police de l'utérus, les femmes invisibles et la criminalisation de la maternité. Alors, et les obstacles devraient se multiplier. Certains États conservateurs ont déjà interdit les pilules abortives envoyées par la poste et d'autres souhaitent criminaliser un avortement réalisé dans un autre État. Des points juridiques complexes que la Cour suprême pourrait être amenée à arbitrer. Donc en fait, si vous appartenez à un État qui interdit l'avortement, certains États aimeraient vous empêcher de pratiquer l'avortement dans un État voisin. Donc à voir, comme le dit 20 minutes. Alors, je tiens, je vais donner la parole à nos intervenants, à Jean, à Vincent, mais parlons de droit, parce qu'il y a, alors, de deux choses. Dans la presse française, alors bien évidemment, il y a du militantisme, bien sûr, parce que la presse française est à 99% pour l'avortement, totalement, absolument, comme elle est pour l'immigration de masse, absolument et totalement, et comme elle est contre le port d'armes, absolument et totalement, d'accord, ça c'est des dogmes intouchables. Et on, alors c'est à vous de choisir, dans les réactions médiatiques, ce qui relève de l'ignorance du contexte légal et constitutionnel américain, de ce qui relève de la mauvaise foi et de la désinformation. Donc c'est à vous de choisir, est-ce que ce sont des gens qui sont simplement incultes, face à cette réaction de la Cour suprême, ou alors ce sont des gens qui sont simplement de mauvaise foi, qui veulent désinformer l'opinion, je vous laisse choisir. Mais parlons des faits. Donc, la Cour suprême n'a pas interdit l'avortement. Ça, c'est la première chose. La Cour suprême n'a pas interdit l'avortement. Le point de discussion qui devait aboutir à une décision de la Cour suprême n'avait rien à voir avec l'avortement en tant que tel. La Cour suprême devait décider si l'avortement relevait du droit constitutionnel américain, c'est-à-dire des droits fondamentaux, ou du droit des parlements des États, donc ce qu'on appelle en anglais statutory. Donc c'était une question, est-ce que c'est constitutional law ou statutory law? Donc est-ce que c'est une loi qui relève de la constitution des droits fondamentaux, et ça relève du fédéral et de la Cour suprême, ou alors est-ce que c'est de la statutory law, est-ce que ça relève des parlements des États, est-ce que ce sont des élus politiques qui font la loi sur ces questions? Et la Cour suprême est parvenue à la conclusion, en faveur des États, en disant, bah oui, ça relève d'une décision politique, et qui appartient donc au corps politique qui représente les différents États. Donc c'est simplement une question d'équilibre entre le droit constitutionnel fédéral et le droit des États. Ça n'a rien à voir avec l'avortement en tant que tel. D'accord ? La question s'est posée sur l'avortement, mais le point de discussion ne concernait pas l'avortement en tant que tel. Donc ce qu'a dit la Cour suprême, c'est qu'il appartient aux États de forger une législation qui leur semble être la plus adaptée sur cette question. C'est la seule chose qu'a dit la Cour suprême. Alors, l'arrêt en question, parce qu'il faut revenir à la racine de cette décision, c'est le fameux Roe v. Wade de 1973, donc décision Roe v. Wade, de la Cour suprême en 73. Alors en fait, pour que les gens comprennent, cet arrêt n'était qu'une conséquence d'un autre arrêt de 1965 et qui s'appelle Griswold contre l'État du Connecticut. Donc 1965. Alors, de quoi s'agissait-il ? Donc c'est une décision de justice. Alors là, je cite Wikipédia pour que c'est pas moi, on me dise pas c'est moi qui suis en train d'inventer des trucs, mais tout le monde va comprendre. Donc en 65, donc c'est une décision de justice importante aux États-Unis. La Cour suprême américaine déclara que la Constitution américaine protégeait le droit à la vie privée. Le jugement portait sur une loi de l'État du Connecticut, donc la Comstock Law, qui interdisait toute personne d'utiliser des drogues, des articles médicinaux ou des instruments dans le but d'empêcher la conception. La Cour a statué que la loi était inconstitutionnelle par l'effet consistant à nier aux citoyens défavorisés l'accès à une assistance médicale et à des informations à jour concernant les méthodes appropriées de contrôle des naissances. Alors, plus techniquement, en fait, cette décision de 65 de la Cour suprême des États-Unis s'était focalisée sur un point précis, c'est-à-dire les gens qui veulent prendre la contraception dans le Connecticut, il faut pouvoir le démontrer. Et ça aurait impliqué qu'un agent de l'État soit présent au moment de l'acte sexuel, pour voir s'il y avait l'utilisation ou pas d'un médicament ou autre pour prévenir la conception. C'est là que la dimension de la vie privée rentre en jeu et qui a justifié la décision de 65 de la Cour suprême. Ils ont dit, si on veut mettre en application cette loi pour prévenir l'utilisation de contraceptifs, il faudrait qu'un agent, de l'État en question soit présent dans la chambre des personnes qui ont un rapport sexuel. Donc, c'est pas possible, c'est une intrusion dans la vie privée. Donc la Cour suprême a dit, vous ne pouvez pas vous immiscer dans la vie privée pour savoir s'ils prennent ou pas un contraceptif. Voilà, c'est ce qui a amené cette décision. Et en 73, sur la base de cette décision, la Cour suprême avait extrapolé en disant que l'avortement relevait de la vie privée. Mais c'était une extrapolation du droit complète. Et donc la Cour suprême, 50 ans plus tard, dit « Mais non, mais en fait, ça ne relève pas de la vie privée, ça, cette affaire-là. L'affaire de l'avortement ne relève pas du tout de la vie privée. D'accord ? L'administration de contraceptifs relève de la vie privée parce que pour savoir si oui ou non vous en prenez, il faut que quelqu'un puisse vérifier si vous en prenez ou pas, ce n'est pas possible. D'accord ? Ça, c'est une vraie intrusion dans la vie privée, mais l'avortement ne relève pas du tout de cela. Donc la Cour suprême annule, casse la décision 73 et dit « Il appartient sur l'IVG aux États de prendre législation qu'ils estiment être les meilleures. » Voilà le cadre général dans lequel on évolue. D'accord ? Donc c'est une décision qui est intellectuellement fondée de la part de la Cour suprême, qui sur le fond ne statue pas sur la pertinence ou la non-pertinence de l'avortement, ça n'est pas le fond du propos de la Cour suprême, d'accord ? C'est de rendre aux États américains le droit et le devoir, d'assumer leur législation sur cette question. Voilà. Et par voie de conséquence, d'où les hurlements, des États qui sont connus pour soutenir l'interdiction de l'avortement, vont pouvoir maintenant le faire. Voilà pourquoi il y a des réactions. Mais quand je vois les propos de table là, dans la presse française, je veux dire, le niveau d'explication est effrayant. Je veux dire, c'est le niveau zéro. On ne comprend rien. Le français ne peut pas comprendre. Qu'il soit pour ou contre l'avortement, d'ailleurs. Je veux dire. Il ne peut pas comprendre ce qui motive la décision de la Cour suprême. La Cour suprême, en fait, dit simplement, en 73, la Cour suprême a dépassé le cadre de ses compétences. Ce n'était pas de son rôle de s'exprimer sur cette question. Nous rendons le pouvoir aux 50 États américains sur ce sujet. Ce qui est quand même extraordinaire de contre-pouvoir. C'est-à-dire que la Cour suprême accepte elle-même de limiter son propre pouvoir et de le rendre aux États. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'il y a un équilibre interne dans la fédération américaine qui est très différent du système français, par exemple. Alors évidemment, on a affaire à des militants de l'avortement, donc qui eux ont d'autres buts en tête. Mais il faut revenir à l'essence de la décision, je crois, hein, pour bien savoir de quoi on parle. Alors avant d'enchaîner, j'aimerais peut-être une réaction là-dessus parce que c'est le genre de discussion qu'on peut avoir aussi sur le port d'armes. D'ailleurs, la Cour suprême vient de prendre une autre décision sur le fait que les Américains ont bien le droit de porter des armes en dehors de leur domicile. Puis c'est vrai aussi sur la formulation d'opinions et autres. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, vous avez le droit d'appeler au meurtre de quelqu'un. À une condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éléments matériels appelant des gens à commettre effectivement l'acte, c'est-à-dire donner l'adresse d'une personne pour faciliter le passage à l'acte. Alors, j'ai envie de tuer cette personne, c'est légal. J'ai envie de tuer cette personne, il habite à cette adresse, c'est illégal. Vous comprenez, c'est la nuance. Alors bon, voilà. Alors je vous donne la parole. Alors on va aller sur le fond de l'affaire, hein, au niveau de l'avortement. Hein. Mais d'abord là-dessus, sur finalement le fait qu'aux États-Unis, le fédéralisme joue un rôle, pour ma part, assez vertueux. Hein. C'est pas parfait, mais c'est quand même assez vertueux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un reliquat en fait de la Constitution américaine qui avait été écrite par des hommes blancs hétérosexuels. Les révolutionnaires de 1776, ils ont bien réfléchi à la manière d'équilibrer la Constitution, de donner suffisamment de pouvoir aux États pour pouvoir avoir une entité propre et vraiment exister face à une fédération qui pressentait comme ils risquaient de prendre trop de place avec le temps, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, dans l'essentiel, la fédération a pris trop de pouvoir par rapport aux États. Il faut expliquer ça aux gens. La fédération, en fait, c'est le gouvernement central, en fait, c'est ça qu'il faut expliquer. Oui, c'est Washington D.C. Ouais. C'est rien d'autre. C'est le petit État de Washington D.C. qui contrôle tout dans les faits, qui a vraiment outrepassé de beaucoup ce que les pères fondateurs des États-Unis envisageaient, en fait, de donner comme pouvoir à l'État central. Et cette évolution, d'un point de vue, donc sans rentrer dans le sujet de l'avortement lui-même, ça peut avoir des conséquences très profondes aux États-Unis, puisque on aperçoit, ça s'était matérialisé pendant la guerre de sécession, mais il y a de plus en plus une distance qui se fait entre certains États, qui sont donc les États républicains et les États démocrates, et de moins en moins ils arrivent à cohabiter. De moins en moins ils trouvent de sujets sur lesquels faire une société cohérente, faire société en fait ensemble. Et donc c'est un sujet de plus sur lequel les États démocrates, donc il y a des discussions pour que la Californie fasse sécession, les États démocrates pourraient décider que, comme la fédération ne correspond pas du tout à leur mode de pensée, ils ont envie de partir. Donc ça peut avoir des conséquences puissantes sur l'évolution de la politique aux États-Unis. T'as tout à fait raison. Donc pour essayer d'expliquer ça à des Français qui comprennent pas nécessairement. Donc en fait, quand on appelle le gouvernement fédéral, en France c'est l'inverse. En France, le fédéralisme, c'est souvent associé au régionalisme, par exemple. Il y a confusion des termes d'ailleurs. Hein. Fédéralisme, régionalisme, pouvoir décentralisé, et les Français, par culture jacobine, ont horreur de cette perspective. Hein. Ils disent que c'est la remise en cause de la nation, c'est la volonté de détruire la nation française, hein, entend-on. Et la droite américaine est fédéraliste, au sens français du terme. Ou pour parler plus clairement, elle est confédéraliste. Elle est confédéraliste. La droite américaine est confédéraliste. Elle ne veut pas d'un pouvoir central fort. Elle est anti-jacobine, si vous voulez. La droite américaine est anti-jacobine. Elle veut des contre-pouvoirs. Elle veut des États, donc parmi les 50, elle veut des États forts qui ont leur mot à dire et qui peuvent vivre selon leurs aspirations. D'accord ? Donc, très fort sentiment à droite aux États-Unis contre le pouvoir central. Pour une bonne part, parce que le pouvoir central est à gauche. Parce qu'il est aux mains des élites, de la côte est notamment. Donc évidemment, ils cherchent à se distancer de ce pouvoir central qui cherche à leur imposer des modes de vie dans lesquels ils ne se retrouvent pas. Alors en France, on pourrait faire une comparaison avec ce qu'ils appellent le fédéralisme européen et le pouvoir de Bruxelles en fait. C'est très drôle de voir ça, d'ailleurs les Français sont schizophrènes, hein. C'est-à-dire qu'ils sont jacobins en France mais anti-jacobins en Europe. Alors qu'évidemment, c'est la même façon de penser. Hein, c'est la même façon de penser, et c'est les mêmes gens. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir à Paris sont aussi au pouvoir à Bruxelles. C'est les mêmes. Donc c'est très drôle à voir que les Français, par atavisme jacobin, veulent absolument un pouvoir central extraordinairement fort qui dicte sa loi dans tout. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui en France. Hein, je veux dire, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui c'est le cas. Mais qui sont complètement allergiques à un pouvoir européen bruxellois, alors que, évidemment, c'est une structure cohérente. C'est-à-dire que si vous défendez le centralisme en France, le centralisme fera ce qu'il fait au niveau européen et ce qu'il fait au niveau des États-Unis. C'est totalement évident, voilà. Parce qu'il peut prendre en otage, il a tous les leviers et il n'y a plus de contre-pouvoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, hein, je veux dire, en France aujourd'hui, il n'y a aucune région qui peut essayer de s'opposer à une dérive du pouvoir central parisien. Je veux dire, demain, vous pouvez, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais on peut imaginer une région très cohérente sociétalement, sociologiquement, politiquement en France. Je n'ai pas de région en tête, mais je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Alsace, admettons. Bon, il n'y a pas de région Alsace parce qu'elle a été avalée dans le Grand Est. J'espère qu'ils vont en sortir. Mais bon, on prend la région Grand Est, là, le BINS qu'ils ont créé, qui ne veut rien dire, sous Hollande. Là. Bon, imaginons, c'est une région RN. Alors, sur toute une série de sujets, ils sont contre Paris. C'est-à-dire qu'ils veulent en terminer avec l'immigration. Ah, ils peuvent rien faire. Budget néant, pouvoir législatif néant, pouvoir fiscal néant. Donc, on peut avoir des régions entières qui veulent s'émanciper de la folie parisienne qui ne pourront rien faire. Ils sont pieds et poings liés. Aux États-Unis, grâce au système fédéral, ou confédéral, pour que les Français comprennent, eh bien, les États peuvent, alors, sur certains sujets, pas sur tous, hein, se dégager de cette emprise tentaculaire qu'est Washington DC, qui est comparable à Paris ou à Bruxelles. Hein. Voilà, donc c'est difficile à expliquer ça aux Français parce que, voilà, enfin, je veux dire, les Français sont jacobins, quoi. Je veux dire, ils ont été complètement, comme on dit aujourd'hui, matrixés par 1793, quoi, je veux dire. Donc c'est assez terrifiant, parce qu'en fait, c'est pour moi, c'est la défaite de la France. La défaite de ce qu'on appelle... Enfin, la France réelle, quoi. Je veux dire, la France réelle a vraiment été détruite en 1793. Les Français ne peuvent plus être Français qu'en déléguant le pouvoir à Paris. Voilà. Ils ne peuvent plus être Français enracinés. Il y a eu un déracinement des Français. Ils sont devenus l'homme nouveau de Danton, Robespierre, Saint-Just, etc., et ils ne peuvent plus être que par l'État. Voilà. Ils ne peuvent plus être par l'enracinement, par leur terroir. Ils doivent être un être abstrait, normé par Paris. Voilà. Pour moi, ça, c'est une rupture fondamentale dont les dégâts se font sentir aujourd'hui, parce que c'est grâce à ça qu'on peut expliquer que Mbappé est français. Alors qu'il n'a pas une goutte de sang français. Mbappé n'a pas une goutte de sang français dans les veines. Pas une seule. Pas une seule. C'est un Africain. Les Français sont convaincus qu'il est français. Je dis ça souvent, mais... Voilà, ça c'est permis par 1793, paradoxalement, hein. C'est une des conséquences. Voilà. Bon, je m'écarte un peu, mais voilà, mais je ça peut être important. Éventuellement, Vincent, là-dessus, un petit peu, vite fait, avant qu'on s'attaque peut-être au fond de la discussion sur l'avortement. Bah oui, c'est vrai. En fait, les Français ont une image de la France. Ils disent la France, c'est un conglomérat de départements. Mais au-dessus de tout ça, il y a un Français, enfin il y a un homme qui est le Français typique. Et il colle cette image sur l'Amérique. Pour eux, en fait, les États américains, c'est des départements, mais c'est pas ça du tout. Initialement, les États américains, même si certaines frontières sont un peu arbitraires, ce sont des États, des pays différents, avec des populations différentes, qui ont des mœurs différentes. Donc c'est pas du tout comme, en gros, on pourrait dire la Haute-Alsace et la Basse-Alsace, comme on disait dans le temps, ou comme la Haute-Vienne et puis la Vienne. Non, ce sont des États différents. Alors après, ils se sont fédérés en disant, pour certaines choses, ce sera plus intéressant d'avoir un fédéralisme, mais ça restait des États différents. Entre deux États américains, c'est comme la France et l'Allemagne, par exemple. Alors naturellement, ils parlent anglais, d'accord, mais le langage ne fait pas tout. On sait très bien que le langage n'est pas l'alpha et l'oméga de la constitution d'une nation. Il y a bien d'autres choses. Et on peut parler la même langue et être complètement différent. Voilà. Donc, c'est vrai que là, il y a une... Le français va pas comprendre si on lui explique pas, comme vous avez très bien expliqué, le français va pas comprendre, en fait. Pour lui, voilà, oui, non, en fait, les États-Unis, c'est un grand pays, c'est un grand État, avec plusieurs départements. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Voilà ce que je voulais dire, déjà, sur ce problème. Et là, en effet, la Cour suprême n'a fait que rappeler que, eh bien, sur certains sujets, notamment l'avortement, qui concerne les citoyens de chaque État, eh bien, chaque État a le pouvoir de promulguer les lois qui correspondent à la volonté des citoyens de cet État. Et, eh bien, ça fait qu'il peut y avoir des lois très, très, très différentes. Mais vous remarquerez que dans ces moments-là, les militants pro-avortement, mais en fait c'est toujours les militants de gauche en gros, eh bien, qu'est-ce que fait finalement la Cour suprême? La Cour suprême, elle dit, ben, chaque État les citoyens de chaque État élisent démocratiquement leurs représentants qui vont voter les lois. Donc, ça veut dire que chaque État peut démocratiquement et va faire des lois qui sont la volonté des habitants. Mais là, le militant de gauche, quand ça ne convient plus, non, il n'est plus tout pour ça. Ah non, alors là, non. Pas le droit. Il n'y a pas de démocratie dans ces moments-là. Il y a un État central, le nôtre, de gauche, qui doit tout décider pour tout le monde. Et on revient tout de suite à cette hypocrisie de la gauche qui est démocrate seulement quand la démocratie lui donne raison. Et j'en termine juste par une petite réflexion. Dans ma dernière vidéo, je montre une militante de gauche qui dit, qui s'offusque parce qu'elle dit que Marine Le Pen a enlevé la peine de mort de son programme, mais qu'elle veut la soumettre à un référendum. Et cette militante de gauche dit, vous vous rendez compte? Avec ça, la peine de mort pourrait revenir en France. Ben oui, mais si c'est par un référendum, c'est l'expression du peuple français. Alors qu'est-ce qu'elle... Elle est complètement démocrate, mais non. Ah ben non, elle est contre la peine de mort, donc là, pas de démocratie sur la peine de mort, pas de référendum, ça va être interdit. Voilà, oui. Voilà, c'est les gens de gauche, ça. Alors, aux États-Unis, et j'en termine, mais c'est ce que pointait un peu du doigt, il a très raison, ces gens qui disaient, attention, parce que là... Ça divise un peu plus culturellement ces États les uns entre les autres avec un risque de sécession à terme. C'est très juste parce que, et qu'on l'a très bien ressenti avec l'élection de Trump. Quand Trump a été élu, ils ont dit « Ah mais oui, mais vous avez vu et la presse française, parce que c'est fascinant ça, la presse française qui reprenait comme ça, tel quel, les arguments de la... Bon, de toute façon, la presse française est totalement à gauche, ok. Donc ils reprennent tous les arguments du Parti démocrate américain, c'est de la gauche américaine. Donc il ne faut pas réfléchir, il n'y a aucune espèce de... genre de discussions assez libres, contrastées avec les opinions des uns et des autres, ou la mise en perspective, pas du tout. Hein. Ils reprennent tel quel les arguments de la gauche américaine. Que disait la gauche américaine? Un point de vue jacobin. Il disait, ah bah oui, mais les États-Unis c'est un pays, démographiquement, la côte Est et la côte Ouest sont les principaux producteurs de richesses. Donc c'était marrant, ils avaient un argument très capitaliste au fond, en disant, bah voilà, c'est là que la valeur ajoutée est créée. Et deuxièmement, c'est là où il y a le plus de population. Et quand on regarde le nombre de voix, bah Hillary Clinton a gagné à 2 ou 3 millions de voix par rapport à Donald Trump. Donc, regardez ce collège électoral qui permet à des paysans du Midwest de décider l'avenir des États-Unis, alors que ces gens-là, économiquement, démographiquement, que représentent-ils vraiment alors qu'ils sont en minorité, voyez ? Donc, c'était un argument, soi-disant, démocrate, en disant, bah voilà, un homme, une voix, il faut en finir. Oui, mais... C'est là que ton argument, Vincent, prend toute sa dimension, en disant, bah attention, c'est l'histoire américaine, c'est une histoire de fédération volontaire d'États. Donc, si vous dites aux États américains, c'est les États les plus peuplés qui décident, les États les moins peuplés disent, ah d'accord, ok, très bien, on ne fait plus partie de cette fédération. C'est comme aujourd'hui en Europe... Et on voit les mêmes tensions qui se dessinent, sur des questions assez similaires d'ailleurs, la promotion du LGBTisme ou l'avortement, face à la Hongrie, face à la Pologne. La Pologne, c'est notamment sur la question de l'avortement. Vous avez vu les sanctions que prend Bruxelles contre la Pologne ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez ce logiciel jacobin bruxellois qui essaye d'imposer aux Polonais des modes de vie qui ne sont pas les leurs. D'accord ? La société polonaise a d'autres aspirations. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une tentation vers... enfin, qu'il n'y a pas de féminisme en Pologne et qu'il n'y a pas une poussée en cette direction, mais actuellement... Ce n'est pas majoritaire dans la société polonaise. Ça va peut-être changer, mais en tout cas, ce n'est pas majoritaire. Donc, on essaye de les punir. On leur dit, voilà, il est hors de question de vous donner des subsides si vous ne prenez pas l'orientation politique qui est celle du centre de Bruxelles, c'est-à-dire qui est celle du centre, en réalité, de l'Europe de l'Ouest. Ah oui, d'accord. Mais si on pousse trop loin cette logique répressive, ces États, au bout d'un moment, vont faire leur compte et ils vont dire, mais ça n'est plus intéressant pour nous d'appartenir à cette fédération qu'est l'Union européenne. On part. Parce que si vous leur... Quel est l'intérêt pour la Pologne d'être dans l'Union européenne ? Bah, en plus de quelques normes, c'est d'avoir accès effectivement à quelques investissements. Mais attention, en échange, l'Europe de l'Ouest a aussi accès au marché polonais. Attention, c'est donnant-donnant, hein. Je veux dire, il ne faut pas rêver. Hein. Ce n'est pas les Polonais qui prennent tout et l'Europe de l'Ouest qui ne gagne rien. Attention, c'est un équilibre. Hein. Parce que si on insiste tant pour les intégrer dans l'Union européenne, croyez-moi bien que l'Europe de l'Ouest y a aussi un certain intérêt. Mais on essaye de les faire changer de mode de vie. Et là, les Polonais disent non. Les Hongrois disent non. Les Slovaques, en partie, disent non. Sur toute une série de sujets, ils disent non. Et on retrouve ce qui se passe aux États-Unis sur les mêmes questions. On voit la Californie, l'État de New York très, très bruyant. Et on voit d'autres États qui disent du Midwest républicain. Disent, non, pas du tout. On n'est pas du tout d'accord avec vous. Et en fait, au bout d'un moment, normalement, il faudrait un équilibre. C'est-à-dire que le pouvoir central devrait dire, écoutez, sur ces questions, ça ne nous concerne pas. Dans cet état, ils veulent pratiquer comme... ils pratiquent comme ça. Dans cet état, ils veulent pratiquer comme... ils pratiquent comme ça. Voilà. C'est les orientations sociétales de ces pays. Mais quand le sociétal de certains états essaye de s'imposer sur d'autres sociétés par la répression, l'intimidation, la menace, la rupture n'est jamais très loin. Voilà. C'est, d'ailleurs, c'est un peu la philosophie de la fin des guerres de religion en Europe avec le traité de Westphalie, c'est qu'au final, après s'être violemment égorgé entre catholiques et protestants, on arrive à la conclusion, hein, cuius regio, vous connaissez la formule, bon, bah, c'est-à-dire un roi, une religion, c'est-à-dire que voilà, tel état, tel roi, quelle est la religion du roi, bah, ça sera la religion de son peuple. Voilà. Et l'état voisin ne cherche pas à s'en mêler. Eh bien, aujourd'hui, cette conception très pragmatique s'efface progressivement aux États-Unis et en Europe, sous le poids de la gauche, qui cherche à imposer ses vues. Moi, si j'étais aujourd'hui à la Commission européenne, ce que je dirais aux autres commissaires européens, je leur dirais, écoutez, si vous voulez que le fédéralisme européen ait une chance de fonctionner, vous devez accepter que toutes les sociétés qui constituent l'Europe ne sont pas les mêmes. Tant que vous nierez cette réalité culturelle, vous irez de difficulté en difficulté. Donc cessez avec vos accès d'hystérie et votre envie de réprimer, d'intimider. Ce que vous ferez, c'est que vous durcirez les résistances, vous accentuerez les polarisations, et au final, vous ferez sauter cette fédération. Donc soyez pragmatique et réaliste. Mais nous avons affaire à des gens, que ce soit pour les féministes ou les homosexuels, qui sont, j'allais dire, anthropologiquement hystériques. Voilà, voilà. Sur cette question-là, peut-être on peut passer au point suivant, mais je pense qu'il faut le dire, c'est l'incapacité de la gauche à accepter que autre chose existe en dehors de leur sphère d'influence, quoi. Mais forcément, parce que ils disent, comme ils nient l'ordre naturel, ils disent que ça n'existe pas, ils disent qu'il y a un espèce d'archétype d'être humain qui est universel. Donc, ils ne supportent pas que des gens n'aient pas l'image qu'ils ont. Puisqu'ils disent, nous, c'est l'homme universel. L'homme est partout pareil, en tout temps et en tout lieu. Donc, ils ont une mission messianique. La gauche a une mission messianique en disant, la vérité, c'est nous. En fait, c'est une religion, la gauche. Ben moi, j'y vois une difformité du monothéisme, en fait. Ou une hérésie. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Une hérésie du monothéisme. Alors, l'ancien monothéisme, même biblique, c'est dans la Bible, hein, je veux dire. Bon, il y a encore qui intègre encore des réalités anthropologiques empiriques, je veux dire. Par exemple, voilà, un homme, une femme, la conversion de l'homosexualité, bon, c'est des choses empiriques, ça, vous voyez. Donc, il y a ce bon sens anthropologique dans la Bible, voilà. Mais la gauche est une forme, donc c'est une forme de monothéisme, d'accord. Donc, il ne peut y avoir qu'une seule voie, pas d'autre. Mais elle fait abstraction de ces éléments empirique, observable de l'anthropologie, voilà, du bon sens anthropologique, et il dit non, on peut faire ce qu'on veut, voilà. Et eux ensuite ils fantasment leur archétype unique, voilà, unisexe, hein, voilà, c'est une taille pour tout le monde, et ils essayent de l'imposer, hein, voilà. Alors maintenant sur le fond, sur le fond peut-être, quand même, c'est-à-dire l'avortement, c'est une question très sensible, parce que oui, c'est rien de le dire. Alors, je vais lancer la discussion avec un échange sur Twitter qui me semble être assez représentatif. Je vous donne tout de suite la parole, je ne vais pas prendre la parole là-dessus, mais il me semble assez représentatif de l'état des discussions aujourd'hui. Parce que ce qui a été extraordinaire, c'est que sur les réseaux sociaux, alors vous avez dit que ce n'est pas représentatif, j'en ai conscience. Enfin, ça traduit quand même quelque chose. Et en France, il y a eu des échanges vraiment très, très, très passionnés, quoi, hein, voilà, très, très virulents entre Français sur cette question. Notamment entre femmes et entre hommes. Encore que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des femmes qui sont sur des positions plutôt anti-avortement, etc. Bon, bien sûr. Mais alors, je vous donne cet extrait très court, hein, très très court. Alors, quelqu'un sur Twitter pose la question suivante. Que pensez-vous du droit à l'avortement? Donc, suite à la décision aux États-Unis. Première réponse. C'est un homme qui s'exprime. Que l'avortement devrait revenir à l'idée de base de Veil, donc Simone Veil, c'est-à-dire pour les viols, s'il y a un danger vital pour la mère, et malheureusement il est atteint de trisomie et autres. Bref, l'équilibre en substance. Pas interdire en toutes occasions, mais pas être en mode liberté totale non plus. Je pense que tu auras quelque chose à dire là-dessus, Vincent. Réponse B. quelqu'un réagit à cette première assertion. C'est une femme. Ah ouais? T'es un mec? Tu n'as pas le droit à la parole. Il n'y a que des personnes munies d'un vagin qui ont le droit de donner leur avis. Demande à ta mère, ta sœur, ta fille, ta cousine, par contre, ton avis de vieux mec, on n'en veut pas. Réponse C. Il faut être deux pour faire un enfant, et si le mec s'est pas barré comme une loque, il a la voix au chapitre. L'enfant n'est pas la propriété exclusive de la mère. Voilà. Je pense que là, on a un aperçu, grosso modo, des deux grandes opinions qui existent aujourd'hui en France, c'est-à-dire l'opinion féministe qui consiste à dire seules les femmes peuvent s'exprimer sur ce sujet parce que c'est elles qui portent l'enfant et qu'elles ont donc la matrice génitale pour enfanter. Donc, les hommes ne doivent rien dire. Suivi du slogan « Mon corps, mon choix ». Et les hommes qui disent « Bah, non ». Si l'homme assume ses responsabilités, c'est-à-dire qu'ici il ne s'enfuit pas et qu'il est le géniteur, il a également son mot à dire sur le processus reproductif. Alors je vais passer par Jean d'abord, avant de passer par Vincent. Jean, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, et même sur ce qu'on a dit un peu précédemment, ou si tu veux préciser autre chose, bien sûr. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gauchistes sur Twitter. Ça tourne très très vite en rond en fait, parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur l'essentiel, qui est que quand les gens qui ont une conception, disons, de droite de la nature, on est d'accord pour dire qu'il y a une création d'être au moment de la reproduction. Ça arrive immédiatement et après. Ils vont toujours dans les débats, est-ce que c'est un amas de cellules, à partir de quand est-ce que c'est un être humain, à partir de quand est-ce que ça a une âme, et ainsi de suite. Et les débats Twitter, c'est vraiment stérile à ce niveau-là, c'est-à-dire que ils vont toujours refuser complètement notre avis, ils vont toujours nier absolument, parce qu'en fait, il y a des traumatismes, je pense, je reviens à mon idée que les gens changent d'avis que par leur expérience personnelle. Ils ont des traumatismes personnels, ils ont besoin de justifier, donc beaucoup de femmes qui sont hystériques au niveau de l'avortement ont besoin de justifier leur propre avortement, puisque il semble que c'est quelque chose comme un tiers des femmes en âge de se reproduire actuellement ont déjà pratiqué l'avortement, donc c'est des chiffres énormes, et ça constitue forcément le gros des troupes, parce que c'est des gens qui sont fondamentalement traumatisés et qui, pour vaincre ce traumatisme, essaye de chercher une justification, donc il tombe dans l'hystérie. Le problème, c'est que avec la contraception, on a totalement découplé la sexualité le fait d'avoir des rapports avec le fait de se reproduire. Parce qu'en fait, la sexualité, c'est la reproduction. C'est-à-dire, c'est en tout cas chez les mammifères, c'est un mammifère femelle, un mammifère mâle qui se mettent ensemble et il en sort une descendance. C'est ça la sexualité. Tout le reste, c'est-à-dire y compris les couples qui sont ensemble et les couples hétérosexuels depuis 10 ans et puis qui ont pas d'enfants parce que la fille prend la pilule ou quoi que ce soit, c'est pas de la sexualité puisqu'il y a pas d'objectif reproductif, il y a pas de reproduction à aucun moment. C'est on peut appeler ça de différentes manières. Alors Soral appelle ça du loisir quand il parle des homosexuels. Moi je pense que c'est de la masturbation, même s'ils font ça à plusieurs, qu'ils sont consentants. Masturbation mutuelle. En fin de compte. Ouais. Voilà. C'est comme il n'y a rien qui en sort, le résultat est exactement le même. Ouais. Donc en fait, les gens n'associent plus du tout le fait d'avoir des rapports avec le fait d'avoir des enfants. Or, c'est vraiment la base de la vie. Et donc on arrive à tous ces problèmes. En fait, on accumule les problèmes les uns sur les autres. Et donc là, cet arrêt de la Cour suprême ne fait que retirer un fil de la pelote de laine, mais il y en a encore énormément, il y a encore beaucoup de choses qui vont pas dans la tête des gens pour qu'il y ait vraiment des changements sociétaux. Alors, il y a deux, trois arguments qui reviennent constamment. Donc, je vais donner la parole à Vincent quand même, d'abord sur ce point précis. La femme qui dit... Enfin, cette femme qui disqualifie en fait la parole des hommes en disant non, mais de toute façon, vous n'avez rien à dire, vous ne portez pas les enfants, donc s'il vous plaît, taisez-vous, d'accord, c'est une question qui concerne exclusivement les femmes. Ok. Ceci étant dit, ça serait très gentil, mais si c'était vrai, quand il y a des femmes qui sont opposées à l'avortement, moi je vois les femmes pro-avortement, elles ne disent pas « oui, oui, je comprends votre point de vue ». Non, elles les insultent. Donc c'est certes que quand elles ont affaire à des femmes qui sont contre l'avortement, elles ne disent pas « oui, mais je comprends votre point de vue, vous voulez enfanter ». Non, non, non. Elles insultent en disant qu'elles sont, justement là aussi matrixées par le patriarcat ou je ne sais quoi. Et voilà, donc cette espèce d'appel, bah vous savez, le féminisme, de toute façon, c'est la transposition de la lutte des classes sur le rapport entre les hommes et les femmes. Hein. Donc c'est la marxisation, donc c'est la sémitisation des rapports entre les hommes et les femmes pour en faire un théâtre d'affrontement. Hein. Donc c'est ça. Hein. Donc voilà, donc d'où les discours hein, sur la disqualification des hommes sur l'enfantement, alors que c'est une aberration biologique, je veux dire. Une femme seule, sans mec, excusez-moi, elle ne va pas faire de gosse. Voilà, bon, ça c'est d'une. Mais je veux dire, je ne veux pas criminaliser non plus exclusivement les femmes dans l'avortement, puisque moi j'en ai connu. Ça me scandalisait, à titre personnel. J'étais scandalisé de voir l'attitude de certains mecs qui se comportaient vraiment de manière odieuse avec les femmes avec lesquelles ils avaient des rapports, et qui étaient du coup des nanas, mais qui se laissaient abuser. Parce que si vous voulez, bon, il y a le théorique et il y a le pratique. Alors, quand une nana, elle est avec un mec, et que le mec, il pousse, et qu'elle est sous le charme, etc., elle dit, ouais, non, mais allez, vas-y, tu vois, et qu'elle tombe enceinte, et que le mec se casse, elle a un problème. Alors après, elle va faire le choix d'avorter. Mais je veux dire, elle a partiellement été mise, pas tout le temps, hein, pas tout le temps, parce qu'elle peut toujours refuser le rapport non protégé, parce qu'en 2022, faut pas mentir, tu peux... Si tu n'as pas envie de tomber enceinte, tu ne tombes pas enceinte. Hein. C'est-à-dire que tu prends la pilule, tu obliges la personne à utiliser un préservatif, tu ne tombes pas enceinte. Il hein. faut arrêter. Hein. Donc, si tu veux, tu ne peux ne pas tomber enceinte. Mais par espèce de dynamique mutuelle, capitulation, hop, ah ouais, la nana tombe enceinte, et ensuite, elle va se faire avorter. Mais cet homme, dans ce cas d'espèce, a joué un rôle délétère aussi, ça arrive. Vincent, ton avis donc là-dessus, sur la question de la disqualification de l'homme et l'argument, mais de toute façon, taisez-vous, vous n'avez rien à dire là-dessus. Moi, je dirais que le problème, il est même pas vraiment là. Le problème, il est en amont. Il est en amont, en effet, et vous l'avez bien dit tout à l'heure. Le problème, c'est l'enfant est-il un être humain ou pas ? Parce que si c'est un être humain, même si l'homme n'a pas la voix au chapitre, un avortement relève du crime. Donc, il est là le problème. Je veux dire, c'est un peu comme si une femme porte un enfant sur son dos et elle dit « j'en ai assez, je vais le jeter là, par la falaise ». Et je lui dis « mais non, c'est pas possible, mais non, mais c'est pas toi qui le porte, alors laisse-moi ». Je veux dire, c'est la même chose. Bien non, parce que c'est un être humain. Donc même si moi j'ai pas mon mot à dire, c'est toi-même qui devrais pas le faire. Alors je sais que l'avortement c'est un phénomène extrêmement complexe, mais encore une fois, là vous l'avez bien dit, vous avez bien pointé du doigt le vrai problème. Le vrai problème, c'est que à partir du moment, et on en revient toujours là, quand on conteste l'existence d'un ordre naturel, c'est-à-dire que l'on dit que, ben, en gros, on revient au début, l'univers s'est créé sans raison, il y a eu une fluctuation quantique qui fait qu'il y a eu un Big Bang, et puis qu'après sur Terre, en 4 milliards d'années, suite à des brassages moléculaires, il y a des molécules d'ADN qui sont nées, puis ça a donné des petites cellules, puis ça a donné des petits amphibiens, puis ça... Donc ça veut dire qu'on est tous issus d'un phénomène hasardeux qui n'aurait pu ne pas exister. Donc, en gros, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes, un paquet de cellules qui, à cause de son cerveau et de son néocortex, peut penser. Mais la pensée, c'est rien, ce sont que les courants électriques. Donc, à partir de là, eh bien, il est évident que, comme nous sommes une machine biologique, et c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs dans l'avant-dernière vidéo que j'ai mise en ligne, qui s'appelle « Quelle est la différence entre la droite et la gauche ?» Justement, ce sont des problèmes capitaux. Je sais, en général, les gens ne s'intéressent pas parce qu'ils ne voient pas toute l'implication. Mais après, avec l'avortement, on le voit. C'est que, à partir du moment où vous dites que l'être humain n'est qu'un paquet de cellules, qu'est-ce qui fait que sa vie a de la valeur? Réfléchissons, qu'est-ce qui fait que sa vie a de la valeur? Eh bien, que la vie de quelqu'un a de la valeur en fonction de la conscience lui-même qu'il en a, je vis et je veux vivre, et en fonction aussi des liens que j'ai tissés avec d'autres personnes. Par exemple, la vie d'un père de famille est très très importante, puisqu'il a en charge ses enfants. Ce serait beaucoup plus important, excusez-moi de le dire, il n'y a pas de cynisme dans ce que je dis, mais de la vie d'un simple célibataire ou d'un aventurier, ou même d'une personne qui est seule, etc. C'est beaucoup plus grave, parce que le père de famille ou la mère de famille a des liens. Donc, à partir du moment où vous êtes une machine biologique, la valeur de votre vie, c'est pas du tout une affaire d'âme ni rien, c'est une affaire de lien que vous tissez. Mais comme un fœtus est réputé ne pas avoir conscience de sa vie, le seul lien qui fait que sa vie a une importance, c'est le lien qu'il a tissé avec sa mère. Et c'est là qu'on retrouve le discours féministe. Le discours féministe dit, mais non, c'est moi qui le porte. Donc le seul lien que le fœtus a, qui fait que sa vie est importante, enfin non, la seule raison pour laquelle sa vie peut être importante, c'est le lien que j'ai avec lui. Mais moi, si je n'en veux pas, si donc il n'y a pas de lien entre lui et moi, sa vie ne vaut rien. Ce n'est qu'un paquet de cellules, et donc j'ai le droit de m'en séparer comme une excroissance qui me gêne. Et je me rappelle une nuit pour les 25 ans de la loi Veil. Il y avait une émission, et c'était à l'époque où je donnais beaucoup de conférences et je conduisais la nuit. Et il y avait une femme qui a eu deux enfants et qui disait, oui, j'ai eu deux enfants, mais le premier que j'ai eu, c'est en fait, j'étais trois fois enceinte, le premier, j'ai avorté. Et elle expliquait, le premier, j'ai avorté, puis après, j'ai eu deux enfants, je suis très contente, etc. Et il y a un journaliste qui lui pose la question intelligente, mais madame, alors, le premier dont vous avez avorté, vous estimez que c'était un enfant que vous avez tué ou pas? Et la mère répond, non, parce que comme je ne le voulais pas, ce n'était pas qu'un paquet de cellules. Donc, voilà, on retrouve, c'est-à-dire que finalement... Donc c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que c'est le subjectivisme total, c'est-à-dire que tu n'es un être humain que parce que moi je te reconnais comme un être humain. Si je ne te reconnais pas comme un être humain, oui, droit de vie ou de mort, voilà. Et ben voilà, moi si j'avais été un journaliste, même moi j'aurais abondé, même si ça ne correspondait pas à ce que je pensais, j'aurais dit, mais alors, madame, les nazis, j'aurais pris toute la dialectique actuelle, ils estimaient que les juifs n'étaient pas des êtres humains, donc ils avaient le droit de les tuer à ce moment-là. Alors il aurait pu répondre non, parce que les juifs tenaient à la vie. Mais on en revient, justement, ce sont ces discussions qui peuvent aller très loin, parce que si à ce moment-là, en effet, j'estime qu'un fœtus, c'est un paquet de cellules, mais un adulte, c'est pareil, c'est un paquet de cellules, il utilisait très bien. Ah oui, c'est un paquet de cellules. Les communistes pouvaient tuer sans aucun problème. Oui, alors ça, moi, j'invite les gens à le dire. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « Non, mais un fœtus, c'est un amas de cellules. » Oui, ben oui, mais moi-même, adulte constitué avec une conscience, je suis un amas de cellules. Enfin, factuellement, je suis un amas de cellules. Donc, qu'est-ce qui me distingue? Et justement, il y a un écrivain qui a très bien souligné ça, et ça va surprendre tout le monde. C'est le Marquis de Sade. Donc, d'où vient le mot « sadisme ». Je ne sais pas si les gens ont lu le Marquis de Sade. Je peux me vanter d'avoir lu pratiquement tout le Marquis de Sade. Alors on m'a dit, bah dis donc, Renoir, vous avez lu plein de romans porno. La pornographie, c'était qu'un prétexte du Marquis de Sade. L'important, c'est de voir tout ce qu'il dit derrière. Parce que dans ses bouquins, il y a 2 pages de pornographie, 10 pages de développement philosophique. Et justement, avant même la Révolution, il avait averti les gens sur les conséquences ultimes de la logique matérialiste. Et à mon avis, moi, il ne l'était pas matérialiste. Mais il voulait montrer aux gens jusqu'où allait la logique matérialiste. Et ça dure une minute. À un moment, il y a un libertin qui tue sa propre mère dans une de ses histoires. Et les autres libertins qui sont là avec lui, qui ont partout avec lui, lui disent, oh, dis donc, là, t'as peut-être été un peu loin, tu viens de tuer ta mère. Et qu'est-ce que répond le libertin? Mais j'ai tué personne. Nous sommes que des amas de cellules. À un moment, ces cellules se sont constituées pour faire un corps humain. Bon, mais une fois que le corps humain est mort, il va devenir terre, herbe, l'herbe va être mangée par la vache, donc le corps humain va donner une partie de la vache, une partie du lait. Donc, ma mère, à l'heure actuelle, c'était quoi? C'était un ensemble de cellules qui formaient un corps de femme, mais maintenant que je l'ai tuée, elle va passer à une autre forme. Donc je n'ai tué personne. Ma mère continue à exister sous une autre forme. Et ce passage est extraordinaire. Parce que ça montre jusqu'où va la logique matérialiste. Là oui, vous êtes qu'un amas de cellules, donc vous allez vous transformer quand la vie vous aura quitté. Eh ben, j'ai connu des écologistes radicaux qui me tenaient le même discours, notamment sur leur funérailles. Je leur dis, donc c'était des écologistes, végans, etc. Et alors, je leur dis, par rapport à leur funérailles, je leur dis, mais on parlait de l'enterrement. Et ils me disent, non, c'est glauque. L'enterrement, une sépulture, c'est très glauque. D'accord ? Je dis, mais quand même, les cendres répandues quelque part, anonymement, ça te... Oui, non, mais c'est au contraire, ça me remplit de joie, parce que je rentre dans le cycle de la nature, me disait-il. Hein. Il disait, voilà, être répandu dans l'océan, avec les algues, les poissons, en fait, devenir de l'engrais, en quelque sorte, ça les apaisait. Ce que tu dis, le passage c'est de Sade que tu cites, chez eux, notamment c'est cette personne-là, ça avait un caractère rassurant. Ils se sentaient rassurés par le fait qu'ils s'intégraient dans cette espèce de grande mécanique biologique. Voilà. Mais ce que je n'avais pas à l'époque vu et ce que je ne lui ai pas posé, je disais, d'accord, mais est-ce que c'est vrai de ton vivant? J'aurais dû poser ça comme question. Quoi. Et voilà, si tu n'es qu'un paquet de cellules, on peut faire ça de ton vivant. Et c'était ce que disait Marquis de Sade. Il avait tout à fait raison. Et c'était un génie, ce gars, c'était un visionnaire. Alors forcément, comme il a beaucoup mélangé du porno à ces trucs, les gens n'ont retenu que le porno. Mais c'est pas ça, le Marquis de Sade, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a quelque chose de très intéressant avec ces histoires d'avortement et de subjectivité des femmes, puisqu'il existe encore aux États-Unis une loi qui criminalise le fait de tuer un enfant à naître dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire quelqu'un d'extérieur qui viendrait tuer l'enfant, sans que la mère soit d'accord, et donc ça pose vraiment la question. Mais du coup, c'est l'application exacte de ce que vient d'expliquer Vincent, c'est-à-dire que en fonction de la perception de la mère vis-à-vis de l'enfant, tout change. Soit c'est un être humain qu'il faut protéger, dont la vie est protégée par la loi, soit il est autorisé de le tuer et on peut l'avorter puisque la mère en a décidé ainsi. Et je finirai sur un parallèle qui est celui du consentement sexuel des femmes qui peuvent décider, on l'a vu avec l'affaire Weinstein, des copines de Harvey Weinstein ont décidé, après plusieurs années, alors qu'elles étaient en couple avec cet homme, elles lui envoyaient des SMS amoureux et ainsi de suite, elles ont décidé de retirer leur consentement. Et donc rétrospectivement, tout d'un coup, une relation sexuelle qui datait de plusieurs années est devenue un viol. Et donc, Harvey Weinstein s'est fait condamner. Je sais qu'il est juif et que ça a pu en étonner plus d'un et que beaucoup d'antisémites ont applaudi la décision de le condamner, mais en fait, ce qui a été condamné à travers lui, c'était les hommes, et c'était aussi implémenté dans la loi le fait que les femmes peuvent retirer leur consentement. Donc, c'est-à-dire que tout homme a posteriori. Ouais. Donc tout homme qui a un rapport sexuel avec une femme se met au risque que la femme décide quelques temps après, que ce soit des mois, des années, il n'y a pas vraiment de prescription, de retirer son avis. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh, qui s'est fait accuser 40 ans après d'avoir violé une femme, ou alors l'avoir attouchée, je sais plus, mais quelque chose d'un peu bizarre. Et c'est, il fallait uniquement croire la parole de la femme. Donc on a sacralisé la parole des femmes. C'est qu'ils disent la parole des femmes, il faut écouter la parole des femmes. Il y a eu une affaire récente là, c'était avec Abad. Vous savez, là, ce ministre handicapé qui a été nommé au gouvernement, alors je ne sais pas si l'homme est, a commis, je ne sais pas, mais comment dirais-je, donc il y a eu une enquête, ça a été classé à l'époque, hein, ça a été classé, on n'a pas trouvé d'éléments en quelque sorte, et les arguments, enfin, notamment à gauche, au sein de la NUP, ou la NUPES, je ne sais pas comment on appelle ça, il disait, oui, mais la parole des femmes. Et en fait, c'est... Moi, je me dis qu'il y a quand même une chute vertigineuse de l'intelligence, ce qui rejoint Maître Delcroix. Hein. Ce qui rejoint Maître Delcroix, c'est le fait que la subjectivité triomphe absolument et que c'est voilà, enfin qu'il n'y a plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Et bah oui, voilà. Vincent, oui, c'est ça. Je te redonne la parole, Vincent. Oui, nous sommes dans le triomphe total du subjectivisme. C'est-à-dire forcément, à partir du moment où on a fait que l'être humain, et c'est la philosophie des droits de l'homme, il y a une chose qu'il faudra rajouter, mais à partir du moment où on a fait que l'être humain est le centre de tout, mais qu'il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas d'ordre naturel, donc qu'est-ce qui reste de l'être humain? C'est sa propre subjectivité. Et donc, à partir de ce moment-là, tout doit être subjectif. Il n'y a plus rien qui peut être objectif. Et c'est pour ça que, par exemple, tu as bien souligné que, alors que la Cour suprême, elle a statué sur juste une histoire de droit fédéral, tout de suite, on raconte n'importe quoi pour pouvoir aller dans le sens de la gauche. Et ce que je voulais souligner, ce qui est très important, c'est que c'est là qu'on voit à quel point les idées sont dévastatrices. Parce que vous remarquerez que l'avortement n'est pas compris dans les droits de l'homme de 1948, la Déclaration universelle. Il n'y a aucun article qui assure le droit à l'avortement. Parce qu'en 1948, énormément de pays, si ce n'était pas tous les pays, réprimaient l'avortement. La France en premier, c'était la loi d'août 1920. Donc en 1948, ils n'ont pas osé mettre le droit à l'avortement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais encore une fois, à partir du moment, et c'est ce que j'explique encore une fois dans mon dernière vidéo, à partir du moment où vous dites qu'il n'y a pas d'ordre naturel, donc que l'être c'est un paquet de cellules et que sa vie n'a d'importance que ce que la mère en tisse avec l'enfant, il était fatal qu'un jour ou l'autre, l'avortement devienne légal. Et la pensée de gauche, elle a depuis longtemps renverser les quelques barrières que posaient encore les droits de l'homme. Et comme tu l'as bien dit, avant, il y avait encore quelques réalités anthropologiques qu'on n'osait pas dépasser. Par exemple, les droits de l'homme de 1948, si vous les lisez, en fait, ils disent bien que à partir d'un âge, l'homme et la femme peuvent se marier. Naturellement, ça peut vouloir dire l'homme peut se marier avec un homme et la femme peut se marier avec une femme. Mais non, quand vous lisez bien l'article, les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme disaient, non, ça veut dire qu'un mariage est entre un homme et une femme. Mais comme vous l'avez dit aussi, à partir du moment où on déconnecte la sexualité de la reproduction, pourquoi est-ce qu'un mariage devrait être entre un homme et une femme? Oui. Il peut être entre deux femmes, il peut être entre deux hommes. Et encore une fois, et pourquoi entre deux personnes seulement? Et donc on arrive à une nouvelle... On arrive au mariage pour tous, et après on va arriver à la polyandrie et puis à la polygamie. C'est fatal. Surtout sur le poids de l'islam. Et je veux dire, je ne vois pas aujourd'hui quel argument les autorités françaises vont brandir face aux musulmans qui vont dire, excusez-nous, on a envie de pratiquer la polygamie en France. Nous sommes des citoyens français, on a des passeports français. Les femmes qui pratiquent la polygamie avec un homme, sous-entendu, enfin, au sens islamique du terme, sont consentantes. Ce qui est souvent le cas, attention, je veux dire, c'est pas contraint, au contraire. Mais enfin, la polygamie, il faut comprendre, dans le monde musulman, c'est pas l'homme pauvre qui est polygame, c'est l'homme riche, c'est l'homme puissant. Tout à fait. Bien sûr, c'est une réminiscence du harem, attention. Et donc, c'est... D'ailleurs, qui, d'un point de vue purement reproductif, n'est pas totalement dénué de bon sens. Alors, n'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas, parce que je ne suis pas favorable à la polygamie, mais si vous voulez, que les hommes les plus puissants, les plus influents, et quatre femmes pour avoir des descendances plus nombreuses que les basses classes qui ont fait moindre preuve de compétence dans la vie, au plan alors purement darwinien, alors les gens sont darwiniens ou pas, mais bon, ce n'est pas totalement dénué de bon sens, si vous voulez faire. C'est en termes de stratégie reproductive, ce n'est pas irrationnel, si vous voulez. Bon, peu importe, je n'en suis pas l'adepte. Je pense que c'est pas un modèle parce que ça crée de la frustration. Quand un homme en haut prend trois femmes, en plus de la sienne, ça fait quatre femmes, en bas, il y a trois hommes qui n'en ont pas. Et ça crée énormément de frustrations sexuelles dans la société, énormément de tensions, et ça n'est pas du tout souhaitable pour le bon fonctionnement de la société. Donc je n'y suis pas personnellement favorable. Mais encore une fois, ça c'est dans un système où un homme a une femme et une seule femme. Alors après, il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que les hommes ont des maîtresses, vous le savez. Hein. Voilà, on a des maîtresses, donc on n'a pas vraiment de femmes, mais on couche quand même, etc., etc. Donc bon, ça nous amène sur d'autres discussions. Mais je veux dire, je ne vois pas aujourd'hui, dans le pays du mariage pour tous, etc., je vois pas ce qu'on va leur dire aux musulmans. Oui, puisque la notion de la liberté, c'est tant que vous êtes consentant, c'est OK. Voilà, les musulmans diront, bah oui, mais les femmes, elles sont consentantes. Alors, bien sûr, les féministes diront non, parce que vous les avez forgées pour qu'elles soient consentantes. Mais, ah, mais ça, c'est comme le voile islamique. C'est comme le voile islamique. C'est-à-dire que le voile islamique, aujourd'hui, il y a des femmes qui... C'est ce qu'a dit Macron, même, rappelle-toi, cher Vincent. Macron, entre deux tours, c'était calibré. Je pense qu'il y a eu une concertation, quoi. Il y a une femme musulmane voilée qui interpelle Macron. Je porte mon voile. Et il dit, non, mais ce qui est... il dit, oui, on peut être féministe et porter un voile. L'important, c'est d'avoir son consentement. Ah bah, si demain il y a des femmes qui sont polygames en islam en France et qui disent moi je vis avec les trois autres femmes de mon mari, je suis très heureuse comme ça, Macron il va dire quoi, que c'est une féministe accomplie? Et voilà. Et ah, on peut même aller plus loin. Une petite noire qui dira ben moi je veux être excisée parce que c'est nécessaire dans ma société. Qu'est-ce qu'on va lui dire si elle dit mais moi je veux l'être? On va être bloqué. Oui, c'est au nom de quel présupposé tu peux préempter leur choix culturel? Tu ne peux pas, c'est puisque tu dis par principe que les individus se déterminent librement en fonction de... Voilà, donc il ne peut pas y avoir de primauté d'us et coutumes sur d'autres. C'est ça, hein, aujourd'hui. Donc, voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et bon, c'est leur société, hein, c'est ce qu'ils ont voulu créer. Donc, voilà, moi je... Ah ben voilà, mais maintenant ça leur retourne dessus. Ah ben, tant mieux. C'est, ah ben tout à fait. Quand ça leur retombe dessus, moi je les plains jamais. Quand ils se prennent les pieds dans le tapis, je les plains jamais. C'est comme aujourd'hui les transhumanistes. Qu'est-ce qu'ils disent? Et je le cite pareil là dans une vidéo. Il y a un transhumaniste qui dit mais pourquoi vous rejetez les gens qui veulent s'hybrider avec des animaux, donc faire des chimères, ce qu'on appelle. Et il dit ça c'est de la xénophobie. Parce que en fait quand vous êtes contre la chimère, donc comme quelqu'un qui se ferait en gros mi-chat, mi-homme, c'est que vous avez peur de l'étranger, du différent. Eh ouais, les xénophobes, ils ont peur du noir, de l'arabe, vous, mais quand vous avez peur du mi-homme, mi-chat, vous avez peur de l'étranger. Donc vous êtes xénophobe. Donc on a le droit, on doit revendiquer le droit à la chimère. Et c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que peut répondre face à cela un partisan des droits de l'homme? Rien du tout. Ah bah rien. Il est bloqué. Ah oui, non, absolument rien. À partir du moment où c'est la subjectivité humaine, et c'est ce que revendique Sandberg, le philosophe suédois qui est transhumaniste, il dit, vous avez le droit, personne ne peut vous empêcher d'expérimenter toutes les valeurs que vous voulez adopter ou même dépasser. Donc vous avez le droit de faire n'importe quelle transplantation sur votre corps. Et on est aux portes de cela. On est aux portes. Et c'est pour ça que les gens qui disent « Ouais, mais moi, je suis pour les droits de l'homme, mais vous comprenez, il faut pas aller trop loin. » Mais tu rigoles, mon vieux, tu rigoles. La société va aller jusqu'au bout. Bien sûr, oui, c'est ce que tu dis toujours. La société va au bout de sa logique. Tu répètes ça souvent. Hein. Exactement. Et l'avortement, ben, on y est... Voilà. Et Sur l'avortement, moi, je veux souligner... Parce que, en fait, c'est quoi l'avortement? Parce que... Il faut démasquer un peu le truc, parce que vous avez les religieux qui obscurcissent, à mon sens, le débat. Parce que tout le problème de ceux qui disent « Oui, mais... parce que c'est... Pour moi, je respecte les gens qui ont leur conception religieuse et qui disent « Voilà, moi, je suis contre l'avortement parce que, selon ma religion, je le comprends, je le conçois. » Mais, d'une certaine manière, on ne parle plus la même langue. Vous voyez? Parce que c'est une forme de subjectivisme, en fait, la religion. Hein, c'est-à-dire, tu te réfères à un texte, mais faut-il encore y souscrire? Alors, quelqu'un qui n'y souscrit pas, bah, comment tu le convaincs? C'est ça le truc. Il faut quand même un rapport de réalité commun sur lequel on s'accorde et dont on puisse parler. Le problème de la religion, pour parler de l'avortement, c'est que, par principe, il faut être croyant. Alors, quelqu'un qui arrive, oui, mais la Bible, Jésus, ou je ne sais, c'est écrit que... Bon, la personne se dit, oui, c'est bien gentil, mais moi, j'en ai rien à foutre de ton Dieu, je crois en rien. Bon, alors, on va pas entamer une discussion sur l'athéisme ou quoi, mais je veux dire, à partir du moment où tu as quelqu'un en face de toi qui te dit qu'il ne croit, et qu'il est agnostique, ou qu'il n'est pas croyant, qu'il est athée, tu vas pas emporter son adhésion en citant la Bible, c'est évident, si jamais toi, tu es croyant. Donc je crois qu'il faut, je pense qu'il faut d'une certaine manière complètement évacuer la religion de la question de l'avortement, parce que pour moi d'abord, ça, bah, moi je le dis, c'est pas là que ça se joue, à mon sens, personnellement, enfin à mon niveau personnel en tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. Je pense que c'est lié à des stratégies anthropologiques fondamentalement inscrites dans la nature des femmes. Et la nature des femmes est hypergame, c'est-à-dire de sélectionner le meilleur partenaire pour se reproduire. Et qu'est-ce que l'avortement ? Ben, c'est un filet de sécurité pour les femmes qui ont eu une mauvaise stratégie reproductive. Alors, c'est pas moi qui ai découvert ça, entre guillemets. Je vais citer quand même, un auteur américain qui fait autorité aujourd'hui, clairement, sur le sujet du féminisme en général, mais sur ce sujet aussi, c'est Rollo Tomassi. Et il formule ça de manière très, très, très limpide. Voilà. L'avortement, pour les femmes qui sont par nature hypergames, c'est le filet de sécurité pour celles qui ont une mauvaise stratégie reproductive. C'est-à-dire que quand vous libérez l'hypergamie, c'est-à-dire que quand vous libérez les femmes du patriarcat, les femmes sont libres d'exprimer totalement leur volonté d'avoir le meilleur partenaire pour transmettre leurs gènes. Mais quand on va au bout de cette logique biologique, en fait, jusqu'à la dernière minute, vous voulez pouvoir corriger une erreur. D'accord ? Donc, jusqu'à la dernière minute, vous voulez pouvoir corriger, en fait, un rapport sexuel avec un mauvais parti. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez estimer, oh là, il est beau, il est magnifique, il est intelligent, vous couchez avec, etc. Et bien, non, parce qu'en fait, vous êtes fait larguer, ou le type a perdu son boulot, enfin... Voilà, enfin, il va pas être un aussi bon parti qu'on... Hop, paf. Ah ben, je veux... il faut corriger très très vite, très très vite, hein, voilà, donc j'avorte. Donc, c'est le... En fait, c'est ce que j'appelle, moi, le sang innocent. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui doit payer le coût des mauvaises décisions de la mère et du père, parce qu'il faut toujours rappeler ça, d'accord ? En 2022, quelqu'un qui veut pas avoir d'enfant n'a pas d'enfant. Il faut pas baratiner. Hein. Et là, il y a des statistiques très claires là-dessus. Aux États-Unis, dans l'État de Floride, ils demandent aux femmes qui veulent se faire avorter les raisons pour lesquelles elles veulent se faire avorter. C'est pas le cas dans tous les États des États-Unis, mais en Floride, ils le font. Parce que dans d'autres États, on leur dit non, mais c'est votre vie privée, vous faites ce que vous voulez, on peut pas s'ingérer là-dedans. Enfin, la logique gauchiste, quoi. Et en Floride, on leur demande pourquoi voulez-vous vous faire avorter ? Et donc les femmes répondent. Dans 98% des cas, c'est une décision qui n'a rien à voir avec le viol ou avec l'inceste. C'est un choix libre qui est lié à des tas de considérations extérieures qui n'a rien à voir avec ça. Et quand on parle d'avortement, vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux, dans les médias, ils n'arrêtent pas de parler. Ils parlent du viol constamment. Ils disent « Ouais, mais les femmes violées. » C'est-à-dire que le cas extrême qui paralyse toute discussion. Parce que tu balances ça dans la discussion, ah mais imagine une femme qui se fait violer. Alors toi t'es là, elle dit bah oui c'est sûr, mais imagine ta fille elle se fait violer par un autre, t'aimerais qu'elle garde ça. Et en fait, de ce cas extrême, on veut faire une généralité. Or, les statistiques sont absolument claires. 98% des femmes en Floride, et c'est vrai dans le reste des États-Unis, ne se font pas avorter parce qu'elles ont été victimes de viol ou d'inceste, mais parce que c'est un choix reproductifs qu'elles veulent corriger. Elles ont couché avec le mauvais mec au mauvais moment, elles se sont dit ouais, « je me suis gouré », je sais pas. Et elles font payer le prix à leur gosse. C'est ça la réalité de l'avortement. Donc le problème, c'est que quand une nana, et aussi un mec, mais une nana fait n'importe quoi, en fait, elle fait payer le prix à son gosse à naître. Et après, elle baratine sur toutes les excuses. Ah oui, mais non, mais j'ai, vous comprenez ma situation. Ça, c'est du baratin, c'est du baratin. La pauvreté, etc. J'ai un autre argument, un autre élément à vous communiquer. Là, ça vient aussi des États-Unis. De toute façon, on parlait des États-Unis, donc c'est là, c'est vachement probant. Très court. Étude donc répercutée sur Brookings.edu. Donc, c'est une étude récente qui a été menée sur la, justement, sur la question de l'avortement et des fossés entre les différentes classes sociales. Alors, voici l'information. Les femmes célibataires qui gagnent 47 000 dollars et plus par an, donc les femmes qui gagnent environ plus ou moins 50 000 euros par an aux États-Unis, avortent 32% de leurs bébés. Les femmes célibataires gagnant 11 670 dollars, c'est-à-dire carrément moins que le SMIC, par an, avortent 8,6% de leurs bébés. Donc les femmes aux États-Unis, les femmes célibataires à très haut revenu aux États-Unis avortent à 32%. Les femmes à bas revenu aux États-Unis avortent à 8,6%. Alors je précise pour ceux qui voudraient essayer de noyer le poisson, c'est que les femmes à haut revenu aux États-Unis qui avortent à 32%, c'est pas l'avortement, pris des années après l'avortement. C'est-à-dire que le chiffre qui est donné, c'est qu'elles ont un revenu de 47 000 dollars au moment de l'avortement. D'accord ? C'est pas elles ont avorté dans leur vie. Et au moment où on les interroge, des années plus tard, elles ont 47 000 dollars en disant, voilà, grâce à l'avortement, elles ont pu avoir un meilleur revenu. Non, non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'au moment où elles avortent, elles ont des très hauts revenus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire exactement ça. C'est-à-dire que pour elles, le mécanisme reproductif est un moyen de progresser socialement en hameçonnant des parties intéressantes dans la strate supérieure de la société. D'accord ? C'est du cynisme meurtrier, ce qui explique la surreprésentation de ces femmes-là dans les avortements aux États-Unis. Alors que les femmes pauvres aux États-Unis, souvent des femmes de couleur, s'avortent beaucoup moins. Alors que l'avortement est gratuit. Excusez-moi, c'est pas payant. Hein ? Il est accessible, enfin jusqu'à une date récente, il était accessible à tous. Et à toutes aux États-Unis, hein, voilà, était accessible à toutes, et même pour les femmes pauvres, d'accord, était accessible à toutes. Donc on voit, cette statistique démontre par A plus B que l'avortement n'est pas une question de revenus, ce n'est pas une question de pauvreté, ce n'est pas une question du coût de l'opération de l'avortement, c'est une question de stratégie reproductive. Et qui c'est qui recourt le plus souvent à cette stratégie ? C'est terrifiant et ça fait peur, c'est les femmes blanches aux États-Unis. Alors, pas sur la masse, hein, mais celles qui gagnent le plus d'argent aux États-Unis sont les femmes blanches, et ce sont elles qui ont un mécanisme cynique le plus abouti, et moins chez les femmes de couleur, vous voyez ? C'est très frappant. D'où le suractivisme féministe blanc en faveur de l'avortement. En fait, c'est simplement du cynisme pur. Elles veulent pouvoir corriger la trajectoire en temps réel. Voilà, je n'en veux plus. Voilà, je veux m'en débarrasser. Je corrige la trajectoire et je fais payer ça à mon enfant à naître. À partir du moment où la société n'est pas en désordre, c'est-à-dire que les familles sont aidées, comme il y avait sous le national-socialisme, hein, que les familles sont aidées, qu'elles sont promues, parce qu'elles sont promues, elles sont aidées, que les gens, on leur inculque la responsabilité de faire des enfants pour la nation, mais qu'en même temps, on leur donne un logement décent, un travail décent, des salaires décents, des aides, etc. Je pense que dans une société comme ça, l'avortement sera immédiatement réduit au minimum. Mais à partir du moment où la société se trouve être en désordre, c'est-à-dire qu'il y a l'exploitation capitaliste, qu'il y a les logements trop petits, qu'il y a des hommes, comme tu as dit avec raison, qui font n'importe quoi, qui mettent enceinte une femme qu'ils ont abusée, attention, pas abusée sexuellement, mais en lui faisant des fois miroiter ci et ça, puis qu'après ils se barrent. Il y a tous ces problèmes qui se posent et qui font que l'avortement va être quasiment incontournable, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est pour ça que moi je refuse en général de discuter sur l'avortement en lui-même, parce que je dis non, ce n'est qu'un symptôme d'un mal plus grave. Ce serait comme un peu un gars qui viendrait qui me dirait ah t'as pas un médicament contre la fièvre parce que j'ai vraiment de la fièvre, ça m'agace. Tu penses que j'ai le droit de prendre un médicament contre la fièvre ou pas? Je lui dirais mais non mon vieux, la fièvre c'est rien, c'est parce que t'as la malaria par exemple. C'est beaucoup plus grave parce que t'as la fièvre, c'est qu'un symptôme final. C'est la malaria qu'il faut traiter. Ne va pas discuter sur la fièvre. Est-ce que l'aspirine c'est bon ou pas? Moi c'est ma position sur l'avortement. Ayez une société en ordre et vous réduirez l'avortement à trois fois rien. C'est-à-dire que vous pourrez interdire l'avortement et puis il y aura toujours des cas exceptionnels, viol, inceste, cas vraiment pathologiques ou impossibilité. Il peut y avoir des tas de choses. Mais c'est ça. Donc, et je veux dire en plus que dans une société du subjectivisme roi, ben là, c'est la voie ouverte à l'avortement. Et tu as raison. Toutes les études que l'on fait sur l'avortement, en France c'est beaucoup plus difficile, mais il y en a quand même, on s'aperçoit que voilà, les cas de viol, les cas d'inceste et les cas de réelle pauvreté, non, c'est très faible dans les pourcentages d'avortement. La quasi-totalité des avortements, ce sont des choix, je dirais, qui sont circonstanciels. Alors je dirais pas de confort, parce que il y a des gens, par exemple, qui vivaient dans des appartements qui avaient deux pièces et au bout de quatre enfants, ils disaient « on peut pas en avoir un cinquième ». Moi, je ne qualifie pas ça d'argument de confort. Hein. Moi, c'est vrai que là, on est dans une situation assez délicate, mais encore une fois, dans une société en ordre, il n'y aurait pas de couple avec quatre enfants qui seraient dans un deux pièces. Sous Hitler, ça ne pouvait pas arriver, ça. Ils auraient eu leur maison. Mais quand vous êtes dans une société en désordre, vous mettez des gens dans des impossibilités, bah, vous avez l'avortement et vous pouvez rien y faire. C'est un peu, si je voulais résumer ma position, c'est ça. Donc voilà pourquoi moi, quand on me dit on va avoir une discussion sur l'avortement, je dis non. Il faut avoir une discussion sur, il faut une société d'ordre. Si vous n'avez pas de société d'ordre, ne commencez pas à discuter sur ce qui n'est qu'un symptôme final. Je suis d'accord avec ce que tu dis, tu as raison. Il faut un traitement holiste. Exactement. Voilà. Un traitement holiste et pas un traitement symptomatique. Exactement, et c'est pour ça que ces femmes, par exemple, je connais une femme aussi qui est très anti-avortement. Ah, elle est vraiment militante anti-avortement. Oui, mais moi je me suis pris le bec avec elle, même assez violemment, parce que justement, elle est anti-féministe, mais justement, elle est aussi hargneuse que les féministes. Et à un moment, elle m'a dit, mais en fait, finalement, t'es pour l'avortement. Mais je lui dis, mais dans une société en désordre, comment tu veux l'éviter? Alors là, j'avais dit l'horreur. Mais c'est pour ça que je lui dis, mais non, il faut, tu prends un problème, c'est ça, comme si tu me disais, ah, cette personne-là, je sais pas si je peux lui donner un aspirine ou pas, mais c'est pas ça le problème, il est malade, il a la malaria, c'est comme un peu un alcoolique, il a un problème au pancréas, mais c'est pas, bien sûr qu'il a un problème au pancréas, mais c'est parce qu'il boit, tant qu'il boira, il aura un problème au pancréas à la fin. Et donc, je refuse d'être dans ces discussions, qui, comme tu as dit très bien, qui ne sont pas holistes. Moi, je reste dans les discussions qui sont holistes. Sinon, on perd notre temps, on s'entre-déchire sur des phénomènes, sur des trucs qui ne résolvent rien. Je suis d'accord avec toi. Ceci étant dit, j'ai certaines propositions. Pour responsabiliser de manière holiste, d'ailleurs. Tu vois, je pense qu'il y a des méthodes, notamment au niveau des impôts. Je crois qu'il faut responsabiliser les uns et les autres. Si une femme qui se rendait coupable d'avortement était taxée sur son revenu de manière à vie à 15 ou 20% par enfant avorté, réfléchirait à deux fois avant d'avorter. Mais plus encore, c'est les comportements qu'il faut changer. Si cette taxe s'appliquait à tous ses futurs conjoints, ce serait la peine de mort sentimentale pour une femme. La pire chose qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'on agirait sur l'hypergamie. C'est-à-dire que la recherche du meilleur parti constante. Il faut corriger cela, qui est le fruit de la déconstruction du patriarcat. Alors oui, il faut reconstruire le patriarcat. Mais très souvent, quand on dit oui, on va reconstruire le patriarcat, mais comment on fait? Comment on fait? On va. Là, il faut un peu de tout. Il faut de la carotte, il faut aussi du bâton. Il faut aussi du bâton. Mais c'est, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Tu dis, voilà, de toute façon, il faut une société d'ordre d'une manière générale, il faut des grands principes. Mais très concrètement, il faut qu'une femme qui se fasse avorter paye. Parce que toutes les autres femmes verront ça. Elles diront, oulala, les conséquences sont terribles. Tous les autres hommes verront cela. Parce qu'ils se diront, mais je peux pas être avec une femme qui a avorté. Ça va bouffer 20% de mon revenu à vie. Alors l'amour, c'est bien gentil, mais je peux pas être avec une femme comme ça. Mais surtout aussi, les hommes qui ont mis enceinte une femme et qui se sont tirés 20% sur le revenu. Avec une telle taxe que j'appellerais une taxe sur le sang innocent. Vous savez, vous en taxez quelques centaines, quelques milliers, et encore, le message circule dans toute la société. Sous Hitler, carrément, hein, ça allait plus loin, je dirais. Les célibataires étaient taxés hyper gravement. Bien sûr, hein. Mais donc, c'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas avorté, hein. Alors oui, c'était des fois, c'est vrai, terrible pour certains célibataires qui ne pouvaient pas se marier parce qu'ils avaient des blocages, mais tant pis, c'était quelques... Mais la plupart du temps, ça marchait. Mais voilà, mais c'est-à-dire que là, oui. Et comment dire, vous n'avez pas s'imaginer, il y a des millions de femmes qui vont se faire condamner. Non, mais c'est-à-dire que dès les premiers 15 jours, et on l'a vu avec le Covid, c'était tellement frappant, hein, et toutes les mesures qu'ils ont prises, les messages circulent à une vitesse dans la population. Tout le monde comprend très vite ces mesures dont je parle, cette taxe sur le sang innocent. En 2 semaines, elle est intégrée par la population. Les femmes changent du jour au lendemain leur comportement. Celles qui ne peuvent pas s'interdisent toute espèce de vie sociale future. Aucun homme ne voudra sauter là-dessus, sauf des marginaux. Donc il y aura effectivement quelques marginaux. Ça, bon, mais... Il y aura toujours, voilà, c'est inévitable. Voilà. Mais rien à voir avec cette immense masse. 250 000 avortements en France. Ça prend des proportions complètement hallucinantes. 250 000 avortements en France pour 700 000 naissances, ce n'est pas acceptable. On peut pas s'asseoir, en sachant que sur les 700 000 naissances, beaucoup sont des naissances halogènes. Et il faut le savoir. Alors, certains vont nous dire qu'il y a un angle mort dans notre discussion aux États-Unis sur l'avortement, c'est la part. La surreprésentation des Noirs, des personnes d'origine africaine aux États-Unis qui s'avortent. 34% donc 100% d'avortement, 34% qui sont faites par des femmes noires alors qu'ils représentent 13% de la population féminine aux États-Unis. Et une sous-représentation des femmes blanches, 60% de femmes blanches aux États-Unis pour environ 40% d'avortement. Et on nous dit, ah bah oui, non, mais au contraire, il faut laisser l'avortement en place parce que il y a quand même plus de Noirs qui se font avorter. Alors moi je dis que c'est une connerie, parce que on ne peut pas justifier, si vous voulez, la mort d'enfants blancs par la mort d'enfants noirs. Et c'est pas moral, mais je dis, c'est pas un argument qui est motivé moralement, mais parce qu'en fait, je pense qu'un enfant blanc a une potentialité autrement supérieure à un enfant noir. Je suis raciste, hein, voilà. Bon, donc libre à ceux qui voudront contester cette assertion, mais en tout cas, c'est ce que je crois. Donc, je considère que la race blanche qui s'autorise la mort d'enfants blancs comme une erreur fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se priver de possibles futurs génies de demain. Voilà. Moi, j'ai pas envie qu'on tue dans le ventre de sa mère demain un Werner von Braun. J'ai pas envie qu'on tue un futur Mozart. Vous voyez, au prétexte que mais quand même on a tué un peu plus de Noirs. Ouais. Non. Vous voyez, non. J'estime que non. Vous voyez, ce n'est pas un argument. Parce que, quand on en vient aux questions raciales, la qualité prime sur la quantité. Hein. La quantité, ça joue. Comme on dit, la quantité en soi est une qualité. Mais, moi, on ne me fera pas avaler la pilule du meurtre d'enfants blancs, aux États-Unis d'ailleurs, ou en Europe, au prétexte que plus de femmes de couleur... voilà. Si on veut agir sur la submersion des populations de couleur. Et aux États-Unis, c'est même pas le cas d'ailleurs, parce que en fait, beaucoup de Noirs sont entretués. Enfin, c'est autre chose. Mais si on veut agir sur la question de la submersion migratoire, eh bien, on agit sur les leviers de la submersion migratoire. Voilà. Pas la peine de passer par des biais secondaires, etc. Donc, quoi qu'on pense de l'avortement, quoi qu'on pense du droit, entre guillemets, hein, si on peut appeler ça un droit, mais peu importe, je n'interviens pas dans la question, il y a des moments où l'avortement doit être interdit, justement, parce que on est menacé de grand remplacement. C'est ça. C'est que, voilà, il y a des moments où il est évident que, eh bien, quelque chose où on peut être pour ou contre, on doit se dire non, mais là, on ne peut pas le faire. On est obligé d'être contre parce qu'il y a une raison. Il y a une raison. Par exemple, imaginez dans un village du désert où il n'y a qu'une réserve d'eau. Et on va dire, attention, vous n'avez pas le droit de toucher la réserve d'eau au moment, sauf pour boire. Ouais, mais s'il y a un incendie. Ben, s'il y a un incendie, ah ben non, il faut le faire. Il faut quand même toucher à l'eau, même si on n'a pas envie de boire. Je veux dire, donc, même si on peut dire oui, mais l'avortement, on peut être pour quand même. Oui, mais pas quand on est en sous-nombre et puis qu'on menace d'être remplacé. Bon, ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est que souvent on dit oui, mais vous comprenez, l'avortement, une femme qui veut pas son enfant, elle ne l'aimera pas. Alors, il y a eu une contre-expérience pendant sous l'occupation. Ça n'a pas été poursuivi après, c'est un peu dommage. C'était un médecin qui avait fait ça, avec des sages-femmes. Ils avaient fait ce qu'on appelait les maisons de la naissance. Alors, aujourd'hui, le terme est repris, mais c'est dans d'autres trucs. C'est-à-dire que, notamment, ça s'adressait aux filles mères. Donc, une jeune fille, hein, on lui promettait, en général, c'est comme ça que faisaient les hommes, qui étaient irresponsables, ils leur promettaient le mariage. S'ils étaient déjà mariés, ils enlevaient leur alliance, hein, et ils lui promettaient le mariage, donc oui, ben, je vais me marier avec toi, donc on peut peut-être consommer maintenant. Et puis, une fois qu'ils avaient consommé, ils se barraient. Si la fille n'était pas enceinte, tant mieux. Si la fille était enceinte, tant pis pour elle. Et donc, ces pauvres filles se restaient, en général, ben, surtout à l'époque, une fille mère, hein, c'est un peu la honte, elles restaient là, toutes seules, avec leur enfant, donc souvent, elles avaient recours à des faiseuses d'anges. Et là, dans ces maisons de la naissance, quand elles arrivaient, c'était comme à la Légion, on leur demandait rien. Pas leur identité, pas leur histoire, pas grave. Vous êtes dans la peine, vous êtes dans la difficulté, vous êtes enceinte, on vous accepte. Mais on leur demandait une seule chose, donc on leur payait tout. Hein. Si elles pouvaient travailler, elles travaillaient, mais on leur payait tout. Et on leur disait, voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'aller jusqu'à la naissance, et ensuite, pendant 6 mois, je crois, d'élever votre enfant. Au bout de 6 mois, vous pourrez le mettre à l'assistance publique. Hein. Donc vous n'avez aucune obligation de le garder, on ne va pas vous mettre à la rue avec votre enfant. Si au bout de 6 mois, vous voulez dire, ok, non, je le laisse à l'assistance publique, je ne peux pas. Ok, eh bien, la sage-femme qui tenait cette maison, elle a été interviewée à l'époque, il y a eu un article, je crois que c'était dans Paris Soir, et elle disait, bah, vous savez, quand elles arrivent, à peu près 80% les filles disent « Ah non, non, non, mais dans 6 mois, j'abandonne l'enfant. Hein. » Et bien, elle disait à la fin, il n'y en a que 20%. Les autres, le fait d'avoir élevé cet enfant pendant 6 mois, elles se mettaient à y tenir. Et elles ne voulaient pas l'abandonner à la fin. Et alors, ce que, naturellement, il ne s'agissait pas après de les mettre à la rue au bout de 6 mois, en disant bah, « C'est bien, tu l'aimes ton gosse, mais part maintenant, vas-y, trouve. » Non. Alors, on les aidait à trouver un travail. On les aidait à, si elles ne trouvaient pas de travail tout de suite, on leur fournissait ce qu'il fallait jusqu'à ce qu'on puisse les placer, etc. Et puis quand elles commençaient à travailler, la maison de la naissance servait de crèche. Parce que forcément, il ne fallait pas dire à la fille, bon, bah, tu pars travailler, puis maintenant ton gosse, bah, tu dans la journée. Non, non, on les gardait. Eh bien, ça a sauvé plein d'enfants. Et ça, c'est typique d'une société en ordre. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu, on prend quelqu'un dans la peine, mais la société aussi se donne la peine de sauver cette personne et de lui donner tout ce qu'il faut. Et c'est dommage qu'en 45, cette expérience se soit arrêtée. Parce qu'à mon avis, ça aurait été une bonne chose contre l'avortement. Et ça m'avait frappé, cet article. Je dois l'avoir dans mes archives, puisque je garde tous les articles qui frappent. Je dois l'avoir dans mes archives. Et c'est vraiment très, très intéressant. Vincent, Jean, ben, je vous remercie pour cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et ben, voilà. À la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine, et Jean aussi à la semaine prochaine.